Tu vois. Tu peux éteindre le tien. Du coup, tu peux éteindre le tien. Si. Voilà, on commence en anglais. On va poursuivre en français. All right. Bon, bonjour. Pour cette séance du séminaire IMAREV du 30 mars, nous procédons à un enregistrement. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, mais la circonstance est un peu particulière. On invite aujourd'hui Bertrand Guillot qui vient parler de son dernier livre, L'abolition des privilèges. J'en profite pour montrer à l'écran. Et ce livre est consacré à un moment clé de l'année 89, la fameuse nuit du 4 août. Alors, ce n'est pas forcément le moment le plus étudié, hein, comme tu le dis, Bertrand, tu commences sur le statut historiographique contrasté de ce moment-là, surtout si on compare à des dates stars comme le 14 juillet. Donc, le 4 août, il y a déjà ce premier paradoxe. Je vais me contenter de présenter en quelques minutes un petit peu les attendus. Pourquoi est-ce que tu peux trouver place dans ce séminaire? Et puis, on va plutôt poser des questions, laisser parler l'auteur hein, dans cette séance. Ça nous intéressait évidemment parce que c'est un séminaire qui se penche quand même sur la production et sur les reconfigurations dans l'espace et dans le temps des imaginaires de la Révolution. Et rien que le titre, l'abolition des privilèges, c'est déjà un imaginaire de la Révolution. Et c'est déjà un mythe politique français qui est beaucoup revenu dans l'actualité politique, sociale, syndicale, française de ces dernières années. Donc, c'est quelque chose qui produit des effets de surimpression pour nous aujourd'hui, surtout à quelques encablures d'une élection autour de laquelle cette question aurait pu être posée et sans doute mieux posée. Donc, c'est un livre passionnant hein, sur lequel on va d'abord te poser la question de savoir comment tu l'as écrit. Pourquoi, qu'est-ce qui t'est venu de ça hein, qu'est-ce qui a motivé une telle référence qui, à la fois, va de soi, est aveuglante et ne va pas de soi, puisqu'on ne parle pas tellement de ce qui a vraiment été fait le 4 août. C'est un moment qui renvoie à la fois à la Révolution, au passé, à cette œuvre, peut-être pas si accomplie que ça, donc ça fait partie des questions, et puis qui fonctionne aussi comme une sorte d'appel ou une intention, une visée sur ce qui n'est pas encore aboli. Donc il y a tout ce, il y a cette ambivalence qui tient à la fois à l'événement lui-même et peut-être aux intentions du livre, à ses espérances propres. Donc voilà, autour de ça, il y a beaucoup de questions pour nous. Moi, je retiens juste trois pôles et après, on verra selon les... j'ai trouvé qu'il y avait une question historiographique, une question poétique et de style et une question proprement politique dans ce livre. Une question historiographique pour nous tous parce que c'est une question très impliquée dans le fait que cette nuit a des circonstances vraiment spéciales. Les gens qui agissent pour un événement absolument extraordinaire, gigantesque, mais à partir de causalités fines et qui se saisissent à l'échelle des individus. Et c'est tout l'intérêt de la parole du roman de faire ça. Ça pose la question de savoir si c'est une rupture totale ou si c'est fruit d'un long processus et comment est-ce que ta plongée dans ce matériau-là permet de donner ta réponse ou tes questions. Oui, c'est ça. Voilà. Il y a une question de poétique, de style, parce que c'est un moment tellement exceptionnel d'électricité, d'enthousiasme, d'ivresse, d'émotion, qu'il faut savoir en rendre compte ou bien ne pas savoir. Ça fait partie des questions du livre. Et puis, il y a une question politique, parce que le 4 août, soit c'est un one-shot problématique, soit c'est une préfiguration. Voilà, donc je voudrais juste lancer la discussion à partir de ces quelques éléments, peut-être en commençant par ce qui paraît le plus naturel, c'est-à-dire d'où est venu ce livre. Oui. En fait. Et oui, on travaille avec de multiples écrans. D'accord, alors bonjour. Bonjour. Bonjour. Oui, le livre, pour essayer de ne pas être trop trop long, parce qu'il y a eu plein de détours avant d'y arriver. L'élan initial, ça a été la pièce de Joël Pommerat qui s'appelle « Ça ira ». Je vois des hochements de tête sur les écrans, qui était une pièce assez exceptionnelle, dans laquelle le moment du 4 août était un des plus spectaculaires. Et je me suis rendu compte, comme les gens qui étaient avec moi quand on a vu la pièce, qu'on ne connaissait rien à ce moment-là. Il se trouve que quelques semaines plus tard, dans une librairie à Paris, un des comédiens de la troupe de Joël Pommerat et l'historien, un des historiens avec lesquels il avait travaillé, venait parler de la pièce et pour l'historien présenter le journal d'Adrien Duquesnoy, qui est un député vraiment lambda, un député de Nancy qu'il venait d'éditer. Moi, j'ai acheté ce livre, j'ai lu le journal. Ah oui, voilà. Je peux le montrer. Ici. Alors, je ne sais pas si voilà. Donc, le journal d'Adrien Duquesnoy, que moi j'ai lu donc, il y a 5 ans environ, et je n'ai rien compris. Parce qu'il parlait d'événements, de gens que je ne connaissais pas. Donc, j'étais complètement perdu. Et donc j'ai abandonné au bout de 20-30 pages, mais je suis quand même allé regarder jusqu'au 14 juillet parce que tout le monde connaît, et au 4 août. Et le 4 août, je vois que lui qui d'habitude parle beaucoup, beaucoup, beaucoup, là, le 5 août au matin, il rentre chez lui et il écrit 10 lignes, et qui se résume en gros, vraiment, hein, pour parler un peu vulgairement, mais tout ce qu'il écrit, c'est « Oh putain, qu'est-ce qu'on a fait ?» Donc, la seule chose que j'avais comprise de cette première lecture de Duquesnoy, c'est qu'il s'était vraiment passé quelque chose, le 4 août, qui avait submergé le contemporain. Et puis rien. Comme souvent, j'avais voilà, cette idée dans la tête de creuser le 4 août, et puis j'avais d'autres choses à faire. Et c'est seulement 3 ans plus tard que, vraiment, par plein de circonstances, c'est toujours comme ça, hein, du hasard, plein de circonstances, le 18e siècle, la fin du 18e revient dans la tête. Je regarde des choses sur les années 1780. Et puis, je vais un peu plus court, mais je retombe sur cette idée de 4 août. Je me dis, tiens, je pourrais aller creuser quand même un peu. Je regarde quelques articles de presse, les recherches vraiment les plus larges possibles. Et puis, dans le même temps, là, je vais faire la version un peu longue, mais dans le même temps, on est en novembre 2019, il se trouve que ma copine est militante féministe et elle animait à Genève un séminaire avec Virginie Despentes et Paul Preciado. Il y avait 500 places dans la salle et 1000 personnes dehors, il faisait 0 degré. Donc, moi, je suis je suis en Zoom, en fait, je suis le truc à distance et je vois que ça ne commence pas. Et donc, je comprends ce qui se passe, qu'il y a 500 personnes, il y a 500 personnes dehors, 500 personnes dedans. Et là, Paul Preciado propose, il dit à la foule, écoutez, vous êtes 1000, vous êtes 500 là, vous devez votre place au chaud, un privilège. Enfin, c'est un privilège, vous êtes juste arrivé 2 minutes avant les autres, donc vous ne méritez pas vraiment ce privilège. On a 2 heures devant nous. Ce que je vous propose, c'est qu'on décide qu'on est assemblée constituante, qu'on peut changer les règles, et on va faire une heure. Donc, on va faire, vous allez assister à 1 heure, et puis dans 1 heure, on change le public. Puis les gens qui sont dehors vont venir à l'intérieur. Et vraiment, c'est cette idée de assemblée constituante et changer les règles qui a fait le tilt. Et je me suis dit, OK, là, il faut vraiment que j'aille regarder cette histoire d'assemblée constituante et de privilèges. Et là, j'ai commencé à aller dans les archives, à lire les 2 livres d'historiens qui ont été écrits sur le sujet, donc qui ont vraiment compilé les sources, etc. Et puis, j'ai pu lâcher l'histoire. Et en fait, je cherchais des références contemporaines sur les privilèges, qui sont plutôt les notions contemporaines qu'on donne aux privilèges. Donc, certes, les privilèges économiques, mais aussi le privilège blanc, le privilège masculin. Donc, tout ça, je ne l'ai pas du tout trouvé dans les archives de 89, mais j'ai trouvé plein d'autres choses. Pardon, c'était un peu long, mais ça, voilà l'archéologie. Pour dire que souvent, en fait, on cherche quelque chose, on cherche quelque chose au départ et puis on trouve autre chose. Et on a l'explication de la présence de Paul Preciado comme un des dédicataires du livre, comme aussi Philippe Génada. Oui. Quelle est l'influence de l'écriture de Génada sur ce livre? Parce que Génada, n'ayant pas écrit sur la Révolution, c'est forcément autre chose. Autre chose. En fait, quand on écrit, quand on démarre un livre, si on ne fait pas tout le temps la même chose, à chaque livre, on se demande la forme qu'on va donner. Et je ne me suis pas posé la question tout de suite, parce que d'abord, j'ai plongé dans les archives pendant 3 mois avant de voir comment j'allais organiser ça. Et ensuite, quand je me suis posé la question de la forme, il y a 2 choses qui m'ont semblé évidentes. Je me suis dit qu'il fallait que je trouve la voie médiane entre Philippe Génada et Éric Vuillard. Alors, je ne sais pas si vous avez lu Génada et ou Vuillard. Éric Vuillard, il a écrit 14 juillet, qui est un petit livre impressionniste sur le 14 juillet 89, qui est littérairement génial. Et Philippe Génada, que je connais mieux, dont j'ai lu tous les livres, qui a écrit 4 livres de 500-800 pages autour de faits divers du XXe siècle. Alors, il n'est pas du tout impressionniste, lui, mais il est très drôle. Et il y a une énergie dans son écriture qui m'a toujours donné envie d'écrire. Donc, moi, j'ai passé mon temps à me dire, j'aimerais faire quelque chose qui soit drôle, mais pas seulement drôle, comme Génada, mais qui soit en même temps court et percutant comme Vuillard. Voilà, donc c'est vraiment 2 écritures qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, mais je cherchais cette voie médiane, donc je savais que ça allait ressembler ni à l'un ni à l'autre. Mais en fait, dans chaque chapitre, je peux vous dire, il y a 30% Génada, 70% Vuillard, par exemple. Voilà. Et puis après, ça, c'est ce qu'on se dit au début. Et puis après, évidemment, une fois qu'on est dedans, qu'on tâtonne, on finit par trouver une voie VEX assez spontanée. Donc à la fin, c'était du bio. Mais... Voilà. Et la perspective féministe de quelqu'un comme Génada, ça compte? En vrai, non. C'est une histoire d'homme, le 4 août. Alors, le 4 août, il n'y a que des hommes. Alors, Philippe Génada a écrit notamment La Petite Femelle, qui est un livre de 700-800 pages sur le procès de Pauline Dubuisson dans les années 50, qui est une défense de la femme opprimée des années 50, qui est magnifique. Bon, il se trouve que donc, j'ai écrit le livre en confinement, donc j'étais vraiment... tous les jours avec ma compagne militante féministe, donc qui tous les jours me disait, dis donc, tu vis avec moi et tu écris une histoire avec 1000 gars et pas 8 femmes. Donc c'est plus elle que j'avais sur le dos. Donc c'est, voilà, il y avait sa perspective à elle. J'ai essayé de lui expliquer que non, il n'y en avait pas, qu'il y en avait dans les tribunes. Mais bon, elle m'a quand même obligé, c'est un peu grâce à elle aussi que je ne me suis pas enfermé dans ce monde d'hommes. Ce que j'aurais certainement fait si j'avais écrit le livre il y a 5 ans. J'aurais pas eu l'idée de penser à tiens, en fait, où étaient les femmes, je pense. Oui, parce que quand même, le livre pose la question et le fait revenir avec le 5 octobre, donc elles sont pas complètement absentes du récit. Non, et puis ensuite, elles sont. Alors, pardon, je passe un peu sur ce qu'on a pu voir après, mais comment dire il faut aussi imaginer que ces hommes-là vivent dans un monde où les femmes sont là, elles ne sont pas absentes, elles sont dans les tribunes, ce n'est pas seulement qu'elles sont reléguées, c'est qu'elles ont un rôle, et c'est en lisant Madame de Staël, alors qui n'était pas dans les tribunes ce soir-là, mais qui aurait pu l'être parce qu'elle y était souvent, c'est en lisant Madame de Staël que je comprends que tous ces hommes de l'Assemblée, en fait, si la révolution était aussi radicale, c'est aussi parce que eux, ils ont rajouté volontiers dans leur discours pour faire les beaux auprès des dames qui étaient dans les tribunes. Donc, en fait, il y a un rôle. Et je sais qu'elles elles sont aussi organisatrices de salons et qu'ils s'y rencontrent. Enfin, bref, on n'en parle pas dans les sources que j'ai pu consulter, mais elles sont là. Elles sont là aussi. En tout cas, la question est posée d'une autre manière, avec le seul point médian du livre. à propos oui. des députés tout fraîchement arrivés à Versailles. C'est vrai. Trouver un toit pour dormir, soulager vos entrailles et ne pas être seul avec le point médian et le E. Il y a quelque chose là qui n'est pas développé, mais, non, mais alors, qui est fort parce que le point médian aujourd'hui, c'est une marque forte. Je me suis fait plaisir à écrire ce point médian-là. J'en ai même enlevé un autre parce que je me disais, c'est encore. Voilà, je préfère qu'il n'y en ait qu'un seul. On le verra mieux. Et merci beaucoup de l'avoir noté. Parce que un des cheminements que j'ai du livre, c'est que petit à petit, en consultant les archives, j'ai d'abord petit à petit compris un peu ce qui se passait et ce qui se passait autour du 4 août. Et puis ensuite, quand j'ai commencé à comprendre, j'ai commencé à m'imaginer et ensuite même les voir, les personnages. Et tant qu'il n'y avait pas ça, il ne pouvait pas y avoir de livre, en fait. En tout cas, il ne pouvait pas y avoir de roman. Donc, il fallait que j'en sache assez sur eux pour essayer de me mettre à leur place. Et à partir du moment où j'ai commencé à me mettre à leur place, j'ai commencé à penser aussi à ce qui se passerait en 2020, parce que j'écrivais en 2020, comment nous, on réagirait dans des circonstances analogues. Et vraiment, j'ai essayé d'imaginer ce que c'était que d'être un inconnu qui arrive pour une sorte de grande convention nationale dans une ville qu'il ne connaît pas. Donc, pour moi, le référentiel que j'avais en tête, c'est imaginons une grande conférence européenne où tout le monde arrive à Bruxelles. Donc, il y a une petite délégation française, mais qui va rencontrer des Hongrois, des Tchèques, des Espagnols, et ils ne se connaissent pas. Et ils arrivent à Bruxelles, et Bruxelles, évidemment, est surchargée parce que tous les hôtels sont pleins. Donc, il faut qu'ils se logent. Enfin, tout ça, en fait, toutes ces questions-là, si je n'avais pas eu ce double regard d'essayer d'imaginer ce qu'auraient été mes personnages de 89 en 2020, je n'aurais pas pensé à ces choses aussi matérielles, mais qui sont essentielles pour comprendre, en fait, dans quelles circonstances ils vivaient et qu'est-ce qui occupait leur tête. Voilà, donc, il y a tout ça. Dans toute l'écriture du livre, il y a eu ce jeu-là. Je vous raconte l'histoire de gens de 1789. Je ne vais pas les imaginer eux aujourd'hui parce que ça n'a aucun sens. Mais je vais essayer plutôt de vous prendre par la main et de nous transporter tous en 89 et d'imaginer comment on aurait pu réagir dans ces circonstances-là. Et cette immersion-là, elle s'accompagne aussi d'un gros travail de plongée dans les archives, de ce que tu appelles régulièrement un voyage, oui. Plusieurs reprises dans oui. Des voyages. Oui. Et donc, ce que je racontais tout à l'heure, c'était donc j'avais d'abord commencé à comprendre, puis imaginer, puis voir vraiment. Cette image de voyage m'est venue vers le milieu du livre, mais ça m'est apparu rétrospectivement évident. Quand on voyage quelque part, on arrive, on ne connaît rien. Donc, tout a l'air nouveau et on ne comprend rien parce qu'on est submergé. Donc, on ne voit pas les liens entre tout ce qu'on voit, etc. Puis, petit à petit, si on reste, on commence à mieux appréhender le plan de la ville. La langue commence à devenir un peu familière. La ville devient un peu plus petite. Et puis on rencontre des gens qui nous présentent un peu une ville des coins de la ville qu'on n'aurait pas vu sinon. Et avec les archives, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que petit à petit, j'ai commencé à me familiariser avec la langue de la fin du 18e. C'est pas si compliqué. J'ai commencé à comprendre un peu leur horizon. Et puis j'ai fait des vraies rencontres. Donc du Quénois, petit à petit. J'ai commencé à le voir. Jean-Jacques de Préménil, qui est dans la deuxième partie, lui m'a vraiment montré tout un pan de la société des années 80 que je ne connaissais pas. Et comme ça, je me suis fait des. Je les connaissais tellement à la fin qu'il y en avait qui étaient des amis. Quoi. Et mon immense plaisir dans les archives, ça a été. Quand je suis retourné dans les archives pendant l'écriture, que je retrouvais à des endroits que je n'aurais pas imaginé les personnages que j'avais choisis. Je dis, oh tiens, mais machin, t'es là? Ouais, c'était ça le genre de le genre de relation que j'avais avec le personnage. Et dans cette masse des archives, il est aussi question des chemins qui doivent bifurquer ou qui ne mènent pas. Oui. Et moi, je me suis interrogée, je me suis demandé à quel moment il y a eu des impasses. Qu'est-ce que ça veut dire, des impasses dans un voyage comme ça? Alors, bah, la plus belle impasse. Donc déjà, par exemple, je parlais de Préménil, mais si vous n'avez pas encore lu, ça ne va pas forcément, mais c'est un personnage que j'ai découvert après coup, et je rêvais de le voir le 4 août. Bon, et puis, je finis par comprendre qu'il fait partie de ceux qui n'y étaient pas. Vraisemblablement parce qu'il avait émigré avec les premiers nobles après le 14 juillet. Donc ça, impasse. Mais je voulais le voir, parce que lui, il personnalise, c'est l'opposition absolue à tout ce qui se fait le 4 août. Et malheureusement, il n'est pas là. Donc, il me manquait son regard. Après, je sais que son absence dit quelque chose, quoi. Et s'il avait été là, le 4 août n'aurait pas été pareil. Et l'autre impasse, c'est un personnage dont je pensais faire vraiment un personnage du livre, qui est l'abbé Jallet, qui est un curé du Poitou, qui réussit à se faire élire aux États généraux, et qui tient un journal, qui pour moi est assez précieux, qui fait partie des curés qui ont fait basculer le clergé dans la Révolution au mois de juin. Il fait partie des signataires du serment du jeu de paume. Donc il y a tout le tiers état, mais il y a aussi trois curés. Et donc, il fait partie de ces trois-là. Et il tient son journal, et moi, vraiment, je lisais petit à petit son journal, parce que je me disais, je vais arriver au 4 août, et là, je sais que je vais avoir un plaisir immense à découvrir le 4 août, que je commençais déjà à bien connaître, à travers les yeux de ce gars-là, qui était en fait mon témoin. Donc, comme si j'étais un réalisateur de documentaire et que j'avais trouvé mon personnage principal. Et donc là, je lis petit à petit, et j'avance vraiment, j'étais sur Gallica, j'avance entrée par entrée, et puis arrive le 30 juillet, et puis plus rien. Et donc j'apprends par une autre source qu'en fait il est tombé malade le 1er août et qu'il n'est plus revenu. Et que j'aurais jamais sa vision du 4 août. Et voilà, donc j'ai passé 2 semaines à échafauder des bouts de plans, à me dire bon, ça va être lui le personnage principal, et puis impasse. Finalement, il en reste, il est dans 3 chapitres du livre, je crois, pas plus. Un problème de ces gens qui ont le mauvais goût de tomber malade ou de mourir. C'est ça. D'avoir une vie oui. Avant leur mort, voilà, oui. Y compris leur mort littéraire. Donc, ça pose un problème en romancier. Mais, ça pose aussi la question de ces acteurs, de ces personnages, puisque tu viens de parler de ceux qui n'y étaient pas. L'une des premières choses qu'on voit dans le livre, c'est que parmi ceux qui n'y étaient pas, il y avait les grands noms. Mmh. Donc, quand on écrit un récit, qu'on écrit un récit sur un grand événement comme ça, fondateur, où on attend des stars, et il n'y en a pas, est-ce que ça compte de faire une histoire sans les grands noms, comme Michelet, d'abord, c'est l'histoire du peuple, c'est l'histoire de diverses voix du peuple, y compris la voix parlementaire, mais sans doute pas une histoire de héros ou de stars. Alors, je me suis dit que ce serait littérairement plus difficile parce qu'il allait falloir que je choisisse parmi des personnages qui étaient tous en termes de notoriété, au moins à un même niveau, qui n'étaient pas connus du tout, mais que ce serait plus intéressant. Parce que, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, sur la projection qu'on peut faire, s'imaginer nous en 1789, bah, c'est plus facile de s'imaginer nous en député lambda, un peu perdu. Donc, je savais que ce serait plus intéressant, que ce serait plus riche en parallèle, en prenant que des inconnus. Après, du coup, j'ai pas voulu creuser beaucoup. Enfin, Mirabeau et Sieyès, qui sont les deux grandes figures, ils sont là comme des fantômes. Je sais pas grand-chose en vrai de mes personnages, parce que je sais que ce que j'ai trouvé dans les archives, de ce qu'on a pu écrire sur eux, c'est-à-dire pas grand-chose. Et je sais qu'ils ont tous en tête Mirabeau et Sieyès, qui à chaque fois, qu'il y a une question qui se pose, ils se disent bon, qu'est-ce qu'il en penserait lui? Qu'est-ce qu'il en penserait lui? Mais ils ne sont pas là. Oui, je rappelle pour l'ensemble du public présent et à venir que Sieyès, c'est celui qui écrit Qu'est-ce que le tiers-État? Oui. Et c'est celui qui fait l'objet des surimpressions avec le présent les plus saisissantes, parce que c'est monsieur 96%. Oui. Parmi les effets d'anachronisme contrôlé et amusant dans le texte et qui font beaucoup pour leur drôlerie, il y a ça. Hein, il y a, je suis ici, page 171, le chapitre s'appelle « Nous sommes les 96% ». Puisque c'était ça. Alors, le mouvement Occupy Wall Street a été souvent rapproché de Sieyès, bien sûr. Donc, Sieyès est vraiment l'ombre portée de tout ça. Mais lorsque on se plonge plutôt du côté des inconnus, ça veut dire qu'on essaye aussi de maintenir, je suppose que c'est un des objectifs et que c'est un peu l'effet Pomera aussi, un effet direct. C'est-à-dire on est là et on ne sait pas ce qui va suivre. Oui. Ce qui est très important. Alors qu'avec les grands noms, on peut tout de suite monumentaliser un peu le récit. Exactement. Donc c'est un vrai problème. Ouais. Mais en même temps, il y a des effets d'annonce dans la construction même du récit. Il y a aussi ce surplomb du romancier. Comment est-ce que tu as pensé à calculer les effets contrastés des effets d'annonce qui rendent le récit plus lié à sa fin, et des effets directs qui, au contraire, nous mettent dans un présent où on ne sait pas ce qui va suivre. Alors, j'ai réfléchi à ça avant de venir ici. Donc, la réponse que je vais donner, je vais essayer de faire en sorte qu'elle soit construite. Ça veut donner l'impression que l'écrivain se pose toujours ces grandes questions et qu'il y apporte des grandes réponses parce qu'il sait. En fait, non, là, tout ce que je vais vous dire, je l'ai reconstitué a posteriori. Et il y a eu tout plein de tâtonnements ou d'effets d'expérience qui sont pour moi des évidences. Mais j'ai d'abord procédé par l'élimination. Je ne voulais pas écrire un livre d'histoire. Déjà parce qu'il y a deux livres d'histoire qui ont été, enfin, d'historiens qui ont été écrits sur le 4 août. Et voilà que moi j'aurais rien ajouté, donc c'est pas un historien, puis je suis pas historien, donc de toute façon je voulais pas être imposteur, donc pas de livre d'histoire. Je voulais, du coup, ce que j'élimine aussi dans la construction classique du livre d'histoire, c'est que déjà, pour être honnête, moi je suis arrivé au 4 août, vous l'avez compris maintenant, en connaissant rien, donc j'allais pas faire comme si je savais tout. Et puis un historien qui prend un sujet précis, il connaît déjà bien l'ensemble et il sait ce qui se passe après. Alors que moi, non. Donc déjà, il y a ça, cette grande différence par rapport au livre d'histoire. Ensuite, il y avait une deuxième option que j'ai éliminée, qui est l'option du roman historique. Ce qu'on appelle le roman historique, c'est quelque chose d'assez, c'est vraiment un genre assez codifié, où vous prenez un personnage fictif et vous le plongez dans la grande histoire. Donc, j'invente le petit marquis truc qui va soudain se retrouver à discuter avec le roi et avec l'abbé Sieyès. Ça, je l'ai éliminé aussi parce que quand vous faites ça, en gros, ça oblige à vraiment creuser votre personnage fictif pour que l'histoire tienne. Moi, je n'ai pas envie. Et puis en plus, vous êtes obligé de recourir à plein de petits artifices de fiction, ce qui fait que tout le réel derrière devient un décor. Et c'est frustrant. Et quand vous construisez un roman comme ça, tout ce qui s'éloigne de la trame narrative centrée sur votre personnage fictif, ça perd le lecteur. Donc, vous êtes obligé de recentrer et obligé de recourir à des ficelles qui sont un peu toujours les mêmes. Donc, je ne voulais pas ça. Donc, il fallait que j'invente quelque chose. Donc, il fallait que j'invente une sorte de roman où tout serait vrai. Donc, j'ai eu vraiment deux soucis essentiels. Le premier, c'était le respect de la vérité historique, c'est-à-dire que je ne rien dire qui soit faux. Ah, il y a peut-être des erreurs, mais elles sont pas... s'il y en a, elles sont de bonne foi. Je voulais vraiment, le plus important pour moi, c'était qu'on dise quelque chose sur le 4 août, pas qu'on parle d'aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'était de garder toujours ce qui est l'essentiel dans un roman, en fait, c'est la tension narrative. Et pour la tension narrative, il y a plein d'effets possibles. Par exemple, des micro-cliffhangers. Vous arrêtez vous arrêtez une scène avant sa fin et vous passez à autre chose, les lecteurs savent qu'on va y revenir. Ça crée des effets de tension, c'est assez facile. Hein, c'est y a des personnages qu'on retrouve. Donc, chaque personnage a son petit axe narratif propre. Et notamment, chaque personnage a ses espoirs, ses peurs. Donc, quand le personnage dit « j'ai peur qu'il se passe ça », ça crée vraiment immédiatement une tension narrative. On va lire la suite en disant « tiens, en fait, lui, est-ce que ses craintes, est-ce que ses espoirs vont être assouvis ? Est-ce qu'au contraire, ce qu'il craignait va advenir ?» Vraiment, effet de tension facile. Et autre petit élément qui me vient là comme ça, d'élément de tension, c'est ce qu'on appelle l'ironie dramatique. C'est-à-dire que globalement, les gens savent à peu près ce qui s'est passé. On sait que le 4 août a été un moment fort. Donc, quand Duquesnoy, dans le premier chapitre, arrive et dit « Bon, ok, j'ai vraiment l'impression qu'il ne va rien se passer ce soir », on a un effet d'ironie. En gros, on crée une sorte de décalage que la suite du récit va devoir combler. Alors qu'on comprenne comment, alors que les gens avaient l'impression qu'il allait rien se passer, pourquoi il s'est passé quelque chose. Voilà. Bref, c'est tout un exposé. Tout ça n'était évidemment pas conçu dès le départ. Mais ça a fini comme ça. Oui, c'est le journaliste Léodé qui est là. Ah, exact. Et puis qui dit, bon... Petite séance. C'est ça, exactement. C'est la routine. Ouais. C'est la routine. Voilà. Et ça, alors évidemment, lui, il n'a pas écrit dans son journal, mais je me permets, vraiment, ayant lu sur lui, ayant lu beaucoup autour, je suis presque sûr qu'il pouvait se dire ça. Voilà. C'est là où je me suis permis. C'était vraisemblable. Oui. Je peux enchaîner avec une question sur, liée sur le genre de ce livre. Je l'ai cherché dans une première librairie, je ne l'ai pas trouvé. Puis ensuite, je l'ai recherché, j'étais en vacances à Arras. Et j'ai trouvé un unique exemplaire dans la grande librairie d'Arras au rayon roman historique. Et je me suis dit que ça ne collait pas du tout. Et en même temps, je me suis mis à la place du libraire et je me suis demandé sur quelle table il aurait fallu le mettre. Alors, qu'est-ce qui est prévu ? Parce que Eric Bugard, si je ne me trompe pas, il écrit récit. Oui. Là, il n'y a aucune indication générique. Oui. Cet éditeur, Les Avrils, il est assez nouveau. Il n'est pas identifié dans un genre. Donc, est-ce que l'indécision est recherchée, volontaire ? Alors, excellente question. Mais je ne me suis pas posé la question quand j'ai écrit. Parce que pour moi, il était évident que ce serait un peu comme Vuillard. Soit il y aurait écrit récit, soit ce serait à l'évidence un roman. Et puis, Les Avrils ont fait le choix que ce serait un roman. Vraiment, dans le retravail qu'on a fait avec elles, ce sont deux éditrices, on a rajouté sur le côté, non pas fictif, mais on a rajouté quelques effets de tension narrative. Et pour elle aussi, c'était évident que c'était un roman. Et puis ensuite, le livre a été présenté au libraire ce qu'on appelle les représentants des diffuseurs, donc les gens qui font l'intermédiaire entre les libraires et les éditeurs, les représentants remontaient tous le même message. Ils disaient, mais les libraires nous demandent, on le met où ? Et en fait, la question a pris un peu tout le monde de court, mais finalement, les éditrices de Avril se sont dit, ok, on va leur répondre, mettez-le où vous voulez. Lisez-le et mettez-le où vous voulez. Donc, comme les libraires, il ne faut pas croire que les libraires lisent tous les livres qui sont dans la librairie, donc ils l'ont mis où ils le sentaient, je pense. Et donc, il y a des libraires chez lesquels il est sur les tables d'histoire. La plupart, je pense que c'est en roman, mais, voilà, mais on ne peut pas maîtriser ça. Et c'est l'objectif. Ah oui ? Oui. Ben, c'est pas gentil pour les gens qui font des vrais essais. Mais je comprends les libraires, ils ne peuvent pas savoir. Et voilà, ils ont des milliers de références. On ne peut pas leur demander de tout lire. Et les libraires qui l'ont lu, en général, ils l'ont mis en roman. Est-ce qu'on peut revenir juste sur les prémices de votre intervention ? Vous parlez de l'effet très, très, très puissant qu'a produit chez vous l'expérience du spectacle de Joël Pomera. Oui. C'est vrai que quand j'ai ouvert le livre, nous, on s'y est évidemment beaucoup intéressé. On a même commis un petit abécédaire sur ce spectacle. Et quand j'ai ouvert, je me suis plongé vraiment assez délicieusement dans votre texte. Je me suis dit, mais c'est génial. Il s'est emparé de l'idée de Pomera. Vous dites que dans le spectacle, la scène est spectaculaire, mais elle l'est sans l'être. C'est-à-dire que, alors même qu'une partie du spectacle de Pomera imagine la réalité de la vie de l'Assemblée, la naissance de cette Assemblée, là, c'est le moment où l'Assemblée est hors scène, précisément. Et on est à Versailles, on est chez le roi Marie-Antoinette. Il y a deux personnages, Necker et Arnaud, qui font l'aller-retour au galop. Et alors que voilà, l'atmosphère est un peu morose, vous tenez à Versailles, eux sont là surexcités et de plus en plus surexcités en disant mais il se passe quelque chose. Et oui. Et ils rentrent, ils sortent, ils rentrent, ils sortent. Et toute la nuit du 4 août est un pur effet de discours, est un récit absent. Et donc je me suis dit, ouais, donc c'est spectaculaire et ça ne l'est pas. Ce qui est spectaculaire, effectivement, c'est la parole à ce moment-là qui comme dans les mémoires de Kenwood, signale qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire, mais on ne sait pas exactement quoi. Et en même temps, dans le spectacle de Pomera, on ne voit rien. Et je me suis dit que l'idée était clairement venue de là, directement, oui. De cette absence. Oui. Et un peu comme le 14 juillet qui est vécu aussi alors qui est vécu par l'Assemblée dans le spectacle de Pomera et qui tout ça c'est assez important pour le 4 août en fait parce que toute la crainte que les députés ont eue le 14 juillet d'être dissous a fait beaucoup pour les discussions entre le tiers état et la noblesse. Enfin bref, le 4 août découle vraiment directement du 14 juillet par plein de biais. Sur Pomera, je parlais d'élan tout à l'heure, mais c'est vraiment ça que je retiens, c'est ce qui m'a donné envie d'aller chercher. Et en fait, je ne me souviens quasiment plus de la scène chez Pomera, je me souviens de l'impression que ça m'a fait à moi. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'intérieur qui me donnait envie de... Et je me suis dit... Je suis ne surtout pas aller revoir la scène de Pomera, même si j'en trouve une captation, parce que je sais qu'il a travaillé vraiment à partir des sources, mais je sais qu'il a recréé tout. Donc, il va pas me, enfin, il pourrait me guider, il pourrait me donner des idées, mais je ne vais pas apprendre de Pomera. Il faut que je retourne moi aux sources. Et comme les sources étaient elles-mêmes spectaculaires aussi, je n'ai pas eu besoin d'aller repiocher chez Pomera pour me redonner un élan. Mais alors, ce dont le spectacle de Pomera donne peut-être l'idée, oui. Le cas de comprendre en vous lisant, c'est qu'au fond, il y a une sorte à la fois de mythification de la nuit du 4 août et puis d'escamotage, d'une histoire d'escamotage. C'est là aussi que vous engouffrez pour construire la deuxième partie de votre livre, où on découvre un certain nombre de choses. Personnellement, je confesse, je ne suis pas spécialiste vraiment de la Révolution. Je m'intéresse à ces représentations théâtrales, des choses parfois assez superficielles, convenues, etc. Et par exemple, il m'avait complètement échappé qu'il fallait attendre octobre 1789 pour que le décret de l'abolition des privilèges des routes soit promulgué. Ouais. Qu'il y avait là une histoire délectable à creuser et des jeux de pouvoir. Que vous allez justement explorer et faire valoir dans toute la deuxième partie de votre livre. Alors, oui. Si vous pouvez revenir là-dessus. Alors, je fais un lien avec la question précédente parce que c'est une autre des choses que je dois à Pomera, c'est d'avoir changé un peu ma vision de Louis XVI, mes a priori sur Louis XVI. Louis XVI, moi je le connaissais comme tout le monde, hein. Pour moi c'était le roi un peu nul, un peu mou et qui était à la chasse le 14 juillet. Bon, c'est totalement faux et il n'y a pas besoin de plonger dans les archives pour voir que c'est faux. Et donc il y a tout ce jeu, ce que j'ai, pour revenir un peu sur la deuxième partie rapidement, ce qui m'intéressait c'était à la fois comment les privilèges étaient abolis, donc ça c'est l'aspect spectaculaire. Et je voulais aussi voir si tout pouvait sauter en une nuit, comment ça avait, qu'est-ce qui fait que ça s'était pas fait avant. Et donc, je suis revenu en arrière, puis encore en arrière, en arrière, en arrière. J'ai découvert que depuis le début de son règne, donc en 1776, Louis XVI tente de... lui-même, il essaie de lutter contre ses privilèges. Il n'y arrive pas. Donc, il y a vraiment 15 ans comme ça qui se passe d'une lutte complète contre les privilèges. Mais c'est d'abord Louis XVI qui mène cette lutte contre la noblesse. Ensuite vient le 4 août. Et Louis XVI, bah, il a un fond. Voilà, il est roi, il a son royaume. Et lui-même, il bascule. Et il est, au fond, l'Assemblée a réalisé une partie de ce qu'il essayait de faire depuis 15 ans, c'est-à-dire faire payer les riches. Le grand truc, c'est faire payer l'impôt aux nobles au tout début de la nuit du 4 août. Et donc ça, forcément, il était pour, mais tout le reste, il était plutôt contre, parce que il est conservateur, comme la plupart des gens. Donc, après le 4 août, il y a tout un jeu qui s'instaure entre le roi et l'Assemblée, et que c'est plus une sorte de jeu de cache-cache, et le roi fait semblant d'être d'accord, d'accepter les décrets, puis non. Voilà. C'est un peu technique pour que je raconte tout, mais en gros, c'est en octobre que les députés se rendent compte que, en fait, leurs décrets, ils n'ont pas du tout été, ils n'ont pas du tout été promulgués. En fait, ils ont pris des grandes décisions, mais que, dans les faits, rien n'a changé. En tout cas, rien n'est officiel. Et ça, c'est assez génial. Et je me suis rendu compte que la plupart des historiens, même des historiens de la Révolution, pensaient que les décrets du 4 août avaient été promulgués dans les journées d'octobre, où le peuple vient chercher le roi, la reine, le petit Mitron. Et en fait, non. Après, c'est pas très grave, c'est fait 15 jours après, et dans les faits, historiquement, ça change pas grand-chose. Mais sur la projection qu'on peut faire de nous s'imaginer à la place de ces gens-là, ça change beaucoup de choses. C'est de voir que ces gens qui ont été au tout début de la Révolution, qui ont fait exploser l'Ancien Régime, étaient capables aussi de croire que leur loi était promulguée, alors que pendant un mois, elle ne l'est pas. Donc tout ce qu'ils avaient dit n'avait aucune valeur. Et d'ailleurs, c'est intéressant cette nuit du 4 août, parce que le texte qui sort, c'est un texte sur lequel il y a plusieurs dates du mois d'août. Oui. Le décret du 4, 5, 7 jusqu'au 11 août. Exactement, oui. Hein, et qu'on voit que finalement, il y a une espèce de contraste drôle. Ça fait partie sans doute des ironies qui t'intéressent, mais entre le moment inaugural où tout bascule, l'Ancien Régime devient l'Ancien Régime, et puis en même temps, ça s'effiloche. Il y a une fin sans fin. Dans un moment qui est pourtant un moment complètement saisissant, où ils sont dans l'ivresse, et peut-être que trop dans l'ivresse de ce moment pour se rendre compte qu'il y a une suite technique. Je pense, mais en fait, je pense qu'on peut faire le parallèle avec beaucoup d'événements, et notamment avec le mur de Berlin, je pense. Tu voulais revenir après? Non, pas forcément, parce que c'est super intéressant. Deux réponses en une. Duquesnoy, dont on parlait, lui, quand tu arrives le 5 août au matin, l'image qui lui vient, c'est on a cassé le mur des privilèges. Et il se dit, ah bah merde, maintenant, en fait, comment on va reconstruire? Parce qu'il n'y a plus de pire. Et j'ai pensé au mur de Berlin, parce que le mur de Berlin, ça faisait aussi des années que des gens essayaient de le faire tomber. Et puis, il tombe de façon extrêmement soudaine en octobre 89, pile 200 ans après. Donc, c'est les gens qui sont là, qui sont dans le moment, sont dans l'ivresse. Alors, ils ne sont pas forcément sous, mais enfin, ils sont dans l'ivresse du moment. Et ça dure un peu quelques jours. Et puis après, il n'y a plus de mur de Berlin, mais il y a encore un monde à reconstruire. Et l'histoire des années après a montré que réunifier les RDL et les RFA, c'était pas facile. Et donc député de 89, il se pose la même question. C'est-à-dire qu'on a détruit l'Ancien Régime, mais bon, on n'avait pas de programme. Donc on ne sait pas quoi faire. Donc on nous demande de remplacer, mais on commence par quoi? Et par ailleurs, ils sont en train de... Ça fait seulement quelques semaines qu'ils se sont... un mois et demi qu'ils se sont institués comme assemblée constituante. Donc, ils n'étaient même pas venus pour faire des lois. Donc, ils ne savent pas comment on fait. Ils sont tous à se poser ces questions-là. Et ils ont, à la fin de la nuit, ils votent un texte. Enfin, surtout, ils votent 20 mesures par acclamation. Ils ne votent même pas, en fait. Donc, c'est vraiment dans l'enthousiasme. Et après, ils se disent, il faut transformer ça en texte de loi. On ne sait pas comment faire. Donc, ils inventent une forme et ils se disent qu'ils vont discuter, pas encore les décrets d'application, mais ils vont... Ils ne savent même pas si ce qu'ils ont acclamé à la fin de la nuit du 4 août a une cohérence ou pas. Donc, ils vont retravailler le texte pendant une semaine après. Ce qui, finalement, est assez court pour un texte essentiel. C'est une session parlementaire sur un texte important, c'est plus long en général. Et le livre est très passionnant sur la manière dont vous explorez, mettez très bien en perspective tout ce que la délimitation de cette question de ce que sont les privilèges. Les privilèges est paradoxal, c'est-à-dire qu'il y a les privilèges des puissants, les privilèges de l'aristocratie, les privilèges du clergé. Il y a aussi ce à quoi on ne pense pas, en tout cas moi, je n'y pense pas et j'ai monté la leçon d'histoire en vous disant, c'était les privilèges des régions. Et des villes, et que les députés étaient missionnés par des gens qui pensaient qu'ils allaient servir les intérêts des villes et des régions, alors même que l'abolition des privilèges travaille à abolir ces privilèges qui font du coup contribuer à faire de la France, à produire les conditions pour faire de la France une nation moderne. Mais ça, on n'y pense pas du tout, et c'est très paradoxal et très passionnant. Et alors, Ce qui fait l'effet roman, je pense, c'est que moi-même, je ne le savais pas. En fait, je le découvre en lisant les archives de la nuit. Je le découvre petit à petit. Et là, c'est aussi un effet de tension. Je parlais de tension narrative tout à l'heure. En fait, je découvre que le mot privilège au XVIIIe n'a pas du tout le même sens qu'aujourd'hui. Ça, on s'en doutait. Je savais que j'y connaissais un tout petit peu. Je savais que on appelait privilège, par exemple, le fait pour une ville de pouvoir tenir marché, qu'une ville puisse puisse avoir un marché deux fois par semaine, c'était un privilège. Mais en fait, privilège, c'est quasiment un droit, quoi. Et donc, je découvre qu'ils cassent tous ces droits et que finalement, c'est peut-être l'aboutissement le plus important et surtout le plus durable de cette nuit du 4 août, c'est la destruction de tous les privilèges, non pas de la noblesse, mais les privilèges des villes, des corporations, enfin du tiers-État. Et qu'en vérité, sans cette nuit du 4 août, la France serait peut-être aujourd'hui, comme l'Allemagne, décentralisée avec des régions comme les Länder, avec des droits particuliers. Et qu'en fait, dans cette ivresse du 4 août, après avoir détruit un certain nombre de privilèges des plus riches, c'est finalement toutes les régions qui étaient arrivées, enfin tous les députés des différentes provinces qui étaient arrivés à Versailles pour d'abord défendre les privilèges de leur province, ils décident de tous, d'un commun accord, les abandonner pour avoir un pays unifié. Exactement comme si on avait aujourd'hui un grand sommet européen où les Hongrois viennent défendre leurs droits à eux, les Français viennent défendre leur vision, les Espagnols la leur, les Allemands la leur, que tous les médias de chaque pays viennent dire « Alors, est-ce que la France a bien été défendue dans ce sommet ?» Et que finalement, au bout d'une nuit dont on ne sait pas grand-chose, ils décident de tous qu'on va faire une Europe fédérale et qu'on va quasiment dissoudre les pays. En vrai, c'est presque ça qui s'est passé le 4 août 1789. Et dans ce qu'on raconte de la Révolution, on ne parle pas de ça. On parle des privilèges des nobles. Mais en vrai, la destruction des privilèges des nobles est presque beaucoup moins importante que la destruction des privilèges des villes et des provinces. Là, je fais un spoiler. Oui. On sait tout. Moi, j'aurais une question là sur le public. On parle des acteurs, des parlementaires, mais tu prends soin de construire aussi le public dans la salle des plaisirs. Et il y a les journalistes, qui fait partie du public. Alors, on a parlé de Germaine de Staël tout à l'heure, mais il y a les journalistes, puis il y a les étrangers, il y a des gens qui viennent d'ailleurs, comme l'allemand, Kamp, que j'ai trouvé passionnant, là, et qui doit faire partie de tes voyageurs. Oui, c'est ça, oui. Voilà, c'était dans mes préférés, mes favoris. Ouais. Il y aurait sans doute Kamp. Alors, qu'est-ce qui a motivé le choix de celui-là plutôt que d'un autre, sachant que de toute façon, il y avait beaucoup de gens qui venaient de l'extérieur, beaucoup d'étrangers, effectivement. Il y a eu beaucoup de témoignages de gens très saisis par ça. Donc, pourquoi ce choix-là? Alors, moi, je n'ai pas beaucoup de témoignages de gens qui ont été saisis par la nuit du 4 août elle-même. Mais après, j'ai pas la connaissance. Là encore, je ne suis pas historien et je ne les connais pas tous. Mais en fait, des gens qui étaient... comment dire, les députés eux-mêmes étaient saisis. Des gens qui étaient dans les tribunes, j'en ai pas identifié tant que ça, sur le fils du député Thibaudeau, par exemple. Et je voulais surtout, je voulais ajouter au récit, je voulais pas multiplier les personnages pour pas perdre les lecteurs, et je voulais des gens qui puissent me parler pas seulement du 4 août, mais d'autres choses. Donc que les personnages secondaires aient au moins un double rôle. Et Kamp, il me permettait de à la fois parler de l'Assemblée, pas le 4 août parce qu'il n'y était pas, mais il me permet de parler de l'Assemblée parce qu'il y va quelques jours plus tard, et aussi de ce qui se passe en France pendant ce temps-là, parce que lui, il vient d'Allemagne, vraiment, il a lu sur la Révolution et il veut venir voir ce qui se passe. Et il traverse la Belgique et la France pour arriver à Versailles. Et en traversant la Belgique et la France, il raconte jour après jour que dans les campagnes, en Belgique, les villes se barricadent, sont sous couvre-feu la nuit, et qu'en France, les campagnes sont à feu et à sang. Alors lui, il ne voit pas le feu, mais il arrive à Valenciennes, et la première chose qu'il voit, c'est une file pour des coupons d'alimentation à l'hôtel de ville, et puis deux pendus au mur de l'hôtel de ville, parce que c'est deux gars qui avaient été pris à piller, je ne sais plus. Donc, c'est son regard qui me permet de montrer, sans que j'aie à le dire moi, ce qui est extrêmement important pour comprendre la nuit du 4 août, c'est-à-dire que partout autour de Paris, de Versailles, dans toute la France, il y a des paysans qui vont brûler les châteaux, et vraiment, la France est à feu et à sang. Donc, lui était essentiel pour ça. Et donc, j'ai lu pas mal de récits d'observateurs étrangers qui venaient voir les séances. Mais eux, la plupart du temps, c'était des ambassadeurs, ils étaient à Paris. Donc, ils pouvaient nous raconter ce qui se disait dans les salons, mais de ce qui se passait dans le reste de la France, on ne savait rien. Je poserais bien une question avec du Kamp devant aussi. Moi, j'ai été beaucoup intéressé par tout ce que vous dites des écrits de la Révolution, en commençant par exemple par rappeler l'importance de la publication par Necker des comptes du royaume en 1781, mais vous prenez le soin de dire 100 000 exemplaires, et là, il y a tout de suite un détail matériel, concret, qu'on n'est pas forcément habitué à lire, et ce qui rappelle que ces livres, quand ils ont eu de l'effet, c'est qu'ils ont été imprimés, qu'ils ont trouvé des lecteurs. Ensuite, vous décrivez de façon très précise et passionnante le travail des journalistes pendant la nuit du 4 août, et puis avant, après, en rappelant que c'est là aussi, il y a une improvisation qui est totale. Mmh. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait, le journalisme politique d'actualité en direct, avec la publication des débats le lendemain ou sur le lendemain. Et vous parlez très bien, et surtout vous donnez à voir dans une certaine matérialité, une certaine sensibilité aussi, la correspondance et de certains de vos personnages ou les journaux qu'ils écrivent. Donc là, il y a déjà quelque chose qui est assez rare, je trouve, pour le moment, dans les récits ou les romans de la Révolution, qu'on ne trouve pas toujours autant, ou même rarement autant. Et puis, ça permet une autre chose qui est passionnante, c'est de montrer que ces écrits, aucun de ces écrits n'est un enregistrement objectif. Mmh. Ça montre bien le défaut inévitable de chacun de ces écrits, soit parce qu'il est... très marquée par une subjectivité, ou bien parce que des raisons matérielles, justement, ont fait qu'on n'a pas pu tout écrire, que forcément, il y a des manques. Vous dites que le papier original sur lequel ont été notés les points qui ont été décidés à la fin de l'année du 4 août, personne ne sait où il est et que peut-être il a été brûlé, donc détruit volontairement. Dans la construction de votre récit, le fait que vous-même, vous faites un premier récit de la nuit, puis dans la deuxième partie, un deuxième qui est assez différent, ça rappelle aussi que vos récits non plus ne prétendent pas restituer une fidélité à une version, à ce qui pourrait être, si tant est que ça existe, une version unique des événements. Et voilà, donc ça m'a beaucoup plu et intéressé parce que quand on a écouté ou lu ce que disaient d'autres personnes qui, comme vous récemment, ont essayé de faire revivre la Révolution, y compris Pondra. Pondra, il a un rapport aux archives qui n'est pas le même. Il s'est plongé dans ces archives-là, dans le journal de Duquesnoy, avec le concours de Guillaume Mazot, et dans ce qu'il raconte, même s'il n'en parle pas beaucoup lui-même directement, il dit beaucoup qu'il a l'impression d'avoir retrouvé une certaine vérité qui avait été d'une certaine manière masquée par les couches successives de tous les discours qui avaient été faits après. Ouais. Or là, vous êtes dans un rapport aux archives passionné, avec beaucoup de plaisir à retrouver ces documents, tout en disant très bien que ces documents eux-mêmes, ils sont contradictoires, ils donnent un prisme de vue multiple et pas du tout un rapport immédiat à ce qui a pu se passer. Non, alors, je vais essayer d'être concis, il y a plein d'éléments, ça fait penser à plein de choses, mais je vais d'abord compléter la réponse précédente. Cette histoire de subjectivité est importante. Et j'ai choisi Campe notamment parce que lui, dans les lettres qu'il écrit, il est très subjectif. Il dit, il s'enthousiasme, il dit, ah ben, je suis déçu, je m'emmerde. Enfin, vraiment, c'est ça qui m'intéressait parce que pour transformer des archives en personnages, j'ai besoin de sentir ce qu'il pense. Alors que j'ai lu plein de récits d'ambassadeurs qui écrivaient des comptes rendus un petit peu froids. Du coup, je ne peux pas en faire des personnages. Ou alors, je les imagine guindés, mais c'est moins intéressant. Donc, la subjectivité était hyper importante. Après, j'en ai lu plein. Donc, à la fin, j'arrivais à voir, quand je lisais un récit à la première personne, déjà, cette personne parlait d'autres personnes que je connaissais. Donc, je voyais, ça me permettait de voir mes personnages avec d'autres yeux. Et puis, petit à petit, il y a un tableau qui se constituait. Là, pour le coup, c'est exactement ce que fait Vuillard. Il multiplie les points de vue et à la fin, c'est un tableau général qui se dégage, sans qu'il l'ait construit, mais voilà, cet aspect impressionniste était important. Donc voilà, le côté, la subjectivité importante, la construction du tableau général par l'addition de ces subjectivités, et une troisième chose sur le rapport aux sources. En fait, il y a une image qui m'est venue pendant que j'écrivais. Peut-être la seule image que j'ai vraiment gardée de mes cours de philo, qui est celle de la caverne de Platon. Quand on lit beaucoup de choses sur la Révolution, en fait, il y a tellement de choses qui ont été écrites depuis deux siècles et demi sur la Révolution que il y en a plein. On a l'impression qu'on est vraiment au quatrième sous-sol de la caverne où il y a des gens qui dessinent vaguement des formes sur les parois de la grotte, mais qui ne sont jamais allés à l'extérieur. Parce qu'ils ont juste lu des récits de gens qui eux-mêmes avaient pompé des récits faits sur... Donc, pour moi, il était quand même important de m'appuyer sur quelques-uns de ces récits-là pour avoir une sorte d'idée globale, mais d'aller de temps en temps, régulièrement, de sortir de la caverne et d'aller vraiment lire la source. Donc, pour moi, je ne suis pas allé revoir ce qu'il avait fait parce que je savais qu'il avait travaillé à partir des sources originelles. Mais après, c'était moi, j'avais adoré la transformation qu'il avait faite de ses archives, mais je n'allais pas m'inspirer de cette transformation parce qu'elle était déjà une œuvre de fiction. Donc moi, il fallait que je retourne vraiment à la source et ensuite refaire ma propre fiction à moi. J'ai oublié un peu, hein, parce que j'étais déjà trop long, mais Il fait le meilleur récit du de cours de la dédicatrice parce que c'est lui qui dit le mieux l'effervescence. Ouais. Et il n'était pas là. Il n'était pas là. Alors, je peux raconter l'effet. Là aussi, un peu comme... ça fait un parallèle avec les impasses dont je parlais tout à l'heure. Quand je l'ai découvert, alors que j'avais déjà commencé à... J'étais déjà bien avancé dans mon récit. Et je tombe sur lui. Et là, c'est un bonheur. Parce que j'ai vraiment un gars... Moi, je vis avec mes personnages. Je les imagine à Versailles. Je sais qu'on en parle à l'étranger, mais je ne sais pas comment. Et donc là, je vois un gars, un Allemand. Alors, ces lettres ont été traduites. Merci à ceux qui l'ont traduit. Et qui écrit mi-juillet. Oh, mais ça a l'air génial ce qui se passe. J'y vais. Et donc, il prend deux étudiants et il traverse l'Europe. Et jour après jour, il raconte. Donc, je vois ça. Et il a, le 5 août, vraiment, il écrit « Oh, quelle séance extraordinaire !» Donc moi, je lis ça et je me dis « Mais ce que je cherchais depuis un an et demi, je l'ai là. Il y a quelqu'un qui y était et qui, comme moi, ne savait pas ce qui est tombé dessus presque par hasard et qui me raconte là, mais ce que j'avais l'impression d'avoir compris. C'est génial !» Et puis, je creuse et je me dis « Mais vu qu'il est arrivé le 3, est-ce qu'il pouvait être le 4 à Versailles ?» Et je comprends qu'en fait, il n'y était pas du tout. Mais vraiment, il y a 15 lignes où il décrit la nuit du 4 août. Et je me dis, en fait, il ne parle pas de la nuit du 4 août, il ne parle pas de ce qu'il a vu, il parle de ce qu'il a lu dans les journaux. Donc, en fait, cette lettre est extrêmement précieuse parce qu'elle me confirme que dès le 5 août au matin, alors même que les journaux, donc on reparlera de journaliste juste après, les journaux vont publier leur compte-rendu un jour et demi après, parce qu'il faut le temps de composer, d'imprimer, enfin le temps n'est pas le même, quoi. C'est pas BFM. Mais il y a plein de plus petites choses qui se sont perdues depuis, mais il y a des libelles, il y a le bouche-à-oreille, enfin les médias, c'est pas que l'écrit. Et donc, Campbell me permet par cette lettre de savoir que dès le 5 août au matin, dans Paris, on sait à peu près ce qui s'est passé. Et qu'on en parle et que c'est l'effervescence. Donc, il me confirme que oui, les gens, quand ils apprennent ça, ils disent « Oh, c'est dingue !» Voilà, donc ça, il a presque validé a posteriori tout ce que j'avais écrit sur les 4 août, alors qu'il n'y était pas plus que moi. Mais dire qu'il n'était pas là, ça crée un effet de surprise qui est très plaisant, qui marche bien dans l'économie romanesque. Mais en plus, c'est brechtien pour utiliser ce terme de façon très vague, hein, mais c'est émancipateur de dire au lecteur « Attention, ce n'est pas parce que le voyageur allemand était là et vous fait croire qu'il a vu tout ça que c'est vrai. Oui. » Il saisit quelque chose qui est dans l'air du temps, qui est très fort. C'est vrai, mais la vérité n'est pas dans le témoignage. Oui. En tout cas, pas dans le témoignage. Exactement, oui. Et puis l'autre moment, il va vraiment à l'Assemblée quelques jours plus tard. Et donc là, mon plus grand bonheur dans toute l'écriture du livre, c'est de lire sa lettre je crois que c'est le 11 ou 12 août, où il est dans l'Assemblée. Et il voit mes personnages. Il voit Noailles, il voit Target. Enfin, si vous n'avez pas lu, ça ne vous parle pas encore, mais j'ai vu mes personnages à travers ses yeux. Et c'était assez jubilatoire, notamment de voir ce Target dont j'avais fait un peu le souffre-douleur et en me disant là j'ai peut-être abusé, et Campeu voit Target ridiculisé par toute l'assemblée, un bonheur absolu pour l'écrivain. Et je saute de l'âne au coq pour revenir sur les journalistes. Là encore, il y avait un effet de projection, mais très vite, j'ai compris que les journalistes qui étaient là sont des gens qui sont tous, en gros, partis de leur province. Ce n'est pas des Parisiens. Ils sont partis de leur province pour venir couvrir, non pas la Révolution, parce qu'au départ, personne ne sait qu'il va y avoir une Révolution, mais pour couvrir les États généraux. Et qui s'installent là et qui se disent « Ok, je vais raconter tous les jours ce qui se passe. » Et ils font un petit deal avec un imprimeur, ils essaient de trouver des abonnés. En fait, en lisant leurs journaux, j'ai compris que, et je suis sûr que je ne me plante pas, dans leur état d'esprit, Ils sont comme Rémy Guisin, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le vidéaste qui était allé couvrir nu debout en 2015. Et ben, lui, en fait, personne n'avait jamais fait ça. Il n'est pas officiellement journaliste, il est vidéaste, mais il se dit, j'y vais et je vais documenter tout ça. Et puis, ben, je me fais moi-même ma place sur cette place. Ben là, les journalistes de 1789, je pense qu'ils sont exactement dans cet état d'esprit. Ils y sont allés sans savoir ce qui allait se passer, mais finalement, ils sont plongés dedans et au jour le jour, ils y vont. Des freelances avant la lettre. Mais c'est exactement ça. Mais en plus, à une époque où le freelance n'existe pas, parce que pour publier quelque chose, il faut ce qu'on appelle le privilège du roi. Donc, il faut demander l'autorisation. Et eux, ils y vont, ils disent, bah, merde, je ne demande pas l'autorisation, j'y vais, et puis on verra bien. Et donc, oui, c'est... En fait, on ne peut pas comprendre ce qu'ils écrivent si on n'a pas ça en tête. Et c'est une autre... Aussi, c'est un autre rythme de l'écriture. Si on sort de la question du privilège de publication, de ce qui est déjà enregistré par la censure comme pouvant être dit et publié, on est dans un autre rythme. De toute façon, on est dans une vitesse telle que n'ont pas à réfléchir sur ce qu'ils ont le droit ou pas d'écrire, puisque l'événement va tellement vite qu'il requiert de toute façon qu'on l'écrive. Je trouve que dans le livre, il y a aussi ça, qui doit être aussi un élément important pour un romancier qui rentre comme ça dans l'histoire, en voulant préserver lui-même cet effet de direct et de je regarde, je capte comme si j'y étais. On sent aussi dans cette nuit du 4 août que l'effervescence est telle qu'elle est pratiquement impossible à transcrire. Et qu'il y a le problème du comment dire, comment l'écrire, à la fois parce qu'on a des crampes dans la main. Alors le OD, c'est le fameux logographe, avec ce rêve de pouvoir transcrire et de faire ce qu'on appelle aujourd'hui le SRI, le compte-rendu intégral, en fait. C'est ça. C'est une sorte de secrétaire des débats qui rêverait de ça. Et en même temps, il n'y arrive pas. Et ça, est-ce que ça t'a intéressé particulièrement, cette confrontation de ces nouvelles figures, finalement, qui sont aussi des figures pour la littérature, pour l'histoire de la littérature, du journalisme, qui doivent aller très vite et qui doivent raconter quelque chose, qui découvrent en même temps que ça se fait et qui doivent trouver les mots. Or, il y a un problème de métaphore. Oui. Alors, évidemment, j'ai à côté de moi le spécialiste de la question des métaphores dans le discours révolutionnaire avec Olivier, mais j'ai trouvé ça très intéressant parce que il faut changer de métaphore. Enfin, tu es en train de raconter une nuit qui est saisissante aussi parce que sur le plan du style et de la poétique, en fait, il y a des choses qui ne fonctionnent plus et donc des images qu'il faut changer. Alors, moi, je voudrais revenir sur le mur parce qu'en fait, au bout d'un moment, toi-même, tu sors du mur. Le mur, ça ne suffit pas pour dire justement cet effondrement. Ouais. Ça va très vite, mais en même temps, ce n'est peut-être pas une question de mur. Si on place cette nuit dans une histoire plus longue du privilège et peut-être de la logique du privilège qui est sans cesse en voie de se reconstituer, en réalité, ou d'être résiliente dans l'histoire, de revenir sur des formes différentes. Comment ça t'est venu Il y a un rapport entre ces journalistes, ces gens qui doivent écrire quelque chose et puis qui ne savent pas sur quel mode, et puis ton propre travail. Quelle métaphore je vais retenir finalement, quelles images je vais retenir pour mon lecteur pour parler de ça? Pas directement, mais en fait je les ai utilisés, ces journalistes, pour scander l'évolution de la nuit et faire un crescendo. Parce que les journalistes, vraiment, comme tu dis, ils cherchent l'objectivité absolue. Donc, on est en 1789, ils inventent tout et ils ne sont pas du tout dans la recherche de l'exceptionnel. Il y en a juste un qui va faire un petit peu de faits divers, mais vraiment, ils veulent raconter. Et puis, je compare les numéros précédents et les numéros des 5 et 6 août, et je vois que le style est différent. Donc, on comprend qu'ils ont été pris par l'événement. Donc, je les ai utilisés pour les imaginer à 20h, à 23h et à 2h du matin. En vrai, je ne sais pas parce qu'ils n'ont rien écrit ils ont pas écrit leur journal à côté, ils n'avaient pas leur blog en plus de leur site de journaliste, que je ne peux qu'imaginer, mais bon, c'était pas si compliqué que ça à imaginer. Et après, je me suis forcément servi de leur métaphore pour écrire, mais c'était pas forcément conscient. Parce qu'en même temps que je les pensais eux en même temps que tous les autres personnages, donc je ne les ai pas utilisés pour construire. Mais l'autre question qui se posait quand je pensais à eux, qui traverse tout le, pas l'écriture du livre, mais tout ce que j'ai pu penser, c'est le rapport au temps que peuvent avoir ces gens. Et là, pour le coup, je peux pas me projeter. On ne peut pas imaginer ce que c'est que de faire quelque chose et de savoir que ça sera su que 3 jours plus tard. Je prends l'exemple de, il y a un député qui, dont la femme est morte, c'est un député de Lorient. Sa femme est morte, mais il n'est pas retourné à Lorient pour l'enterrement. Parce que de toute façon, quand il l'a appris, c'est qu'elle était morte depuis 5 jours. Et lui, il fallait 5 jours de plus pour aller à Lorient, donc il n'est pas rentré. Et donc, pareil, quand les journalistes écrivent, ils sont lus 1 jour et demi plus tard. Et en fait, ils sont en vrai débordés par des petits libelles qui sont imprimés plus vite. Donc, y a tout ce rapport au temps est essentiel. Et je pense que ça joue aussi sur le fait que la nuit a été si spectaculaire. C'est que là, pour le coup, tout se passe en direct. Ils sont là, tous. Et il y a un effet de direct qui crée cette émulation et cette folie. Mais sur la circulation de l'information et sur ce récit qui va se constituer par bribes, dans le temps, etc. Vous parlez très bien quand même de ce qui est autour, à Versailles, autour de la salle des bons plaisirs, des restaurants, des cafés, des clubs. Et il y en a qui rentrent se coucher, mais il y en a d'autres qui n'ont aucune envie d'aller se coucher, qui vont aller boire une bière, on ne sait pas quoi, qui vont contribuer par leur récit sur le vif, probablement, à commencer de diffuser quelque chose qui relève de la rumeur. Exactement. Qui va alimenter certainement cette information qui arrive si vite à Paris. Bon, vous êtes très attentif aussi. Il me semble qu'à un moment, au début, vous parlez des coches et des carrosses qui permettaient de faire la route de Paris à Versailles en disant combien de ça coûtait, combien de temps ça met. Enfin, quelle était la réalité de la transmission possible entre Paris et Versailles. Ce point, on s'interroge toujours en imaginant les femmes à pied le 5 octobre, mais on n'était pas qu'à pied. Vous avez réfléchi à tout ça. Bah oui, alors en plus, moi, je ne suis pas du tout un écrivain de décor, de description. Non, ce sont des infos. Je cherche vraiment que les petits éléments qui peuvent avoir un rapport avec le fond de l'histoire. Et il me paraissait important de comprendre vraiment qu'est-ce qu'il y avait juste autour de cette salle des menus plaisirs. Et en fait, quand on lit tous les témoignages, ça paraît évident. C'est que à l'époque, à Versailles, tout le monde en parle. En fait, c'est l'événement, c'est l'événement qui fait toutes les conversations. Il y a des gens qui sont venus spécialement, il y a des gens qui ont loué des appartements au mois pour pouvoir suivre tous les débats, il y a des gens qui viennent tous les jours, en gros, qui prennent le coche à 6h du matin pour être au début de la séance à 10h. Donc, il y a tout ça qui est quand même extrêmement important, et cet effet de rumeur joue énormément sur l'avant 4 août, c'est que le 4 août se construit quasiment que sur des rumeurs de ce qui se passe autour. Et il ne faut pas le savoir. On raconte qu'il y a des châteaux qui ont été détruits, on raconte qu'il y a un boulanger qui a été pendu, mais ce ne sont que des « on raconte que ». Et toute la Révolution, je comprends, là je sors du sujet stricto sensu, mais je comprends que tout le début de la Révolution ne se construit que sur ce qu'on appelait à l'époque des fausses nouvelles. Et donc, il y a des fake news de partout, il y a des fausses rumeurs qui sont lancées, on accuse Mirabeau de ne faire que ça, que de répondre des fausses rumeurs. Voilà, c'est ça le bain dans lequel ils sont. Et ça, c'est passionnant. Vous avez lu la bande dessinée de Groisel et Locard ? Alors, oui. Et je l'ai lu pendant que j'avais déjà commencé à travailler. Je me suis amusé à voir. Encore, j'ai compris qu'on avait eu accès aux mêmes sources. Ils sont quand même pas infinis. Et donc, ça m'amusait de voir qu'ils en avaient fait quelque chose de très différent de moi. Voilà, j'en savais assez pour voir que, par exemple, un de leurs personnages, c'était un mélange de deux députés. Je voyais que le travail était énorme, donc je pouvais les croire sur des éléments de décor. Et donc, je m'en suis beaucoup servi pour nourrir mon imaginaire, leur imaginaire de la Révolution a beaucoup nourri le mien. Sur les cafés, moi, je les ai retrouvés en lisant. Tout ce qui se passe au Palais Royal, etc. Les différents ordres qui se retrouvent au café et qui discutent là de ce qu'ils espèrent faire pendant la prochaine séance. Ouais. Voilà, donc en fait, on parlait de la caverne, etc., du rapport aux sources. Donc évidemment, je savais que ce n'était pas une source à prendre, mais tout ce qui. Enfin, à chaque fois que j'ai trouvé un écho de ce qu'ils avaient fait dans des sources historiques, du coup, soudain, la source, comme si la source de. Comment dire? Comme si la source était en couleur ou en relief. Parce que je l'avais déjà vu dans leur BD. Donc, mais comme eux, ils ont un point de vue assez nettement anti-parlementaire. Il y a peu de choses qui se passent dans l'Assemblée. Et quand ils la montrent, c'est plutôt pour prendre le plus possible de distance et sur le mode de la satire. Ouais. Donc, c'est très complémentaire. Enfin. Ouais. Et puis, j'ai lu beaucoup de textes. Alors, il y a des gens qui, dès la fin 89, sont devenus anti-révolutionnaires, hein, qui ont écrit des vrais diatribes sur le bordel absolu qu'était cette Assemblée. Évidemment les réactionnaires même, mais pas en premier, mais je vois que Duquesnoy, qui était plein d'espoir, passe son temps à être désespéré par le fait que les travaux n'avancent pas. Toute cette vision là d'être plongé dans l'Assemblée avec les gens qui trépignent, c'était extrêmement important. Et c'est peut-être le dernier message que je pourrais vouloir passer là, qui paraissait essentiel. Et c'est là où je me suis dit que ce livre pourrait vraiment servir à quelque chose si je restais vraiment collé au personnage. C'est que quand on regarde l'histoire depuis 2022, depuis aujourd'hui, on a toujours tendance à voir les personnages plus grands qu'ils ne sont. Donc on voit les grands personnages historiques et comme on les voit comme des héros, on se dit, il n'y en a plus des comme ça. Et donc on se dit, ça nourrit vraiment le c'était mieux avant. Alors que quand on va voir les sources, on voit tous les gens avec leurs faiblesses, on voit que les travaux n'avancent pas, et puis que les fameux grands personnages, leurs contemporains les regardent vraiment, parfois en étant consternés. Donc, c'était très intéressant pour moi de questionner un peu, je le fais un tout petit peu, mais la figure du personnage historique, notamment Mirabeau, par exemple. Mais je trouve que vraiment si on se contente des récits faits sur les récits, etc., on croit que les citations historiques sont des phrases qui ont été prononcées véritablement, c'est faux. Donc il y a des gens qui me disent oui, mais à l'époque à l'Assemblée on savait se tenir, il y avait les vrais orateurs. Non, il y avait des orateurs vraiment complètement nuls, il y avait des gens qui lisaient leurs papiers pendant 2 heures. C'est important de le rappeler. C'est ça, Necker à l'inauguration de la séance d'ouverture des États généraux, il lit un discours de 3h30 sur les comptes de la nation, et c'est même pas lui. Au bout d'une demi-heure, il a plus de voix, et il passe ses feuilles à son assistant. Donc c'est un gars qui lit les comptes de la nation pendant 3 heures. Oui, ça commence pas très bien. Et les gars, ils sont assis là sur des bancs inconfortables, il n'y a pas de dossier, et ils subissent ça, c'est fou. C'est important cette question des orateurs aussi. Hein. Il n'y a pas que les journalistes, il y a toutes sortes de paroles, donc il y a cette parole-là. Tu fais aussi une différence entre des paroles qui sont bienvenues, qui ont une espèce de sens du kairos, hein, c'est ça qu'il fallait dire à ce moment-là. Et puis dans le ton, avec justement une sorte de talent oratoire, mais qui peut être complètement improvisé, pas forcément préparé. Et puis des gens qui préparent beaucoup et qui sont en revanche dans des modèles rhétoriques que tu n'as pas l'air d'apprécier particulièrement. Alors il y a une sorte de souffle anti-académicien sur le livre à chaque fois que c'est un académicien. Oui. Alors là, il y a un problème d'emphase. Tu as l'air d'accorder beaucoup d'attention à ces différences de ton qui sont, et de registres qui ne sont pas nécessairement adaptés à la situation, ouais. Qui ont, il y a trop d'enflure. Mais qui à l'époque passe très bien. Passe beaucoup mieux, bien ouais. sûr. En fait, il y a un personnage qui est un personnage secondaire, mais qui à l'époque était une figure importante, que l'histoire a totalement oublié, qui s'appelle Target, qui est un avocat, mais qui est l'avocat star. C'est Dupond-Moretti, quoi, à l'époque, en niveau de notoriété, on va dire. Et il intervient tout le temps à l'Assemblée. Et il se trouve que c'est lui qui, avant que la nuit du 4 août ne prenne son envol, c'est lui qui fait le premier discours de cette nuit-là, qui est complètement à côté de la plaque et qui est véritablement empoulé. Donc, vraiment, là, pour le coup, je peux me permettre de moquer de lui parce que je connais la suite de l'histoire. Et puis après, quand on écrit un roman, bah forcément, on va amplifier les caractéristiques de différents personnages. Et c'est lui dont je parlais quand Campbell le raconte, disputé par l'Assemblée. C'est là que j'étais content de voir que je ne m'étais pas planté. C'est-à-dire que j'avais vraiment amplifié, mais j'avais un peu raison de le faire. En tout cas, moi, je merci beaucoup de cette attention-là parce que il se trouve qu'on a beaucoup travaillé sur Michelet, on est autour de cette table et de son histoire de la Révolution. Et toi qui es un romancier qui ne peut pas être historien, qui peut être historien, tu rejoins un historien qui aurait pu être romancier, qui est Michelet. Parce que, en fait, finalement, entre ce roman et je ne sais pas quelle est la place de Michelet dans tes références, parce que c'est un fantôme historiographique pour beaucoup de gens qui travaillent à élaborer des récits fictionnels, fictionnés sur la Révolution. Mais en tout cas, chez Michelet, il y a vraiment ça aussi, il y a cette attention au ton. Ceux qui ne sont pas dans le sens de l'histoire, ça s'entend. Et ça s'entend au fait qu'ils se plantent sur le terrain rhétorique. Quelque chose ne passe pas, est trop enflé, est déplacé, est à côté de la plaque, est en retard, mais en tout cas ne correspond pas à la parole juste qui doit être posée à ce moment-là. Ouais. Est-ce que pour toi, ça aussi, c'est vrai? C'est quelque chose... Alors, je suis partagé. C'est-à-dire que... Je pense à Lali Tolinda, par exemple. Ah, pardon? À Lali. Oui, Tolinda, oui, bien sûr. Oui. Typiquement celui dont Michelet passe son temps à dire et tape dessus à bras raccourcis. Ça y est, Lali Tolinda va encore nous accabler avec une de ses envolées lacrymales, sentimentales, 18e sensible, etc. Et c'est plus du tout ça qu'il faut dire. Et en même temps, alors c'est vraiment pas de spécialiste, mais en même temps, Lali Tolinda, à la fin de la nuit, il fait un. Alors, on n'a qu'un petit récit, donc on ne sait pas exactement ce qu'il a dit. Peut-être qu'en fait, il a parlé pendant un quart d'heure et que ça a saoulé tout le monde, mais je ne pense pas. Mais c'est lui qui, je crois, demande que Louis XVI soit le restaurateur de la liberté française. Enfin, vraiment un grand truc. Et là, il déclenche un tonnerre, l'applaudissement. Donc, sans doute, on en connaît souvent des gens qui ils parlent, c'est toujours trop long, trop empoulé. Mais quand ils le font à ce moment-là, soudain, là, ça donne vraiment une dimension nouvelle à l'événement. Et là, il crée... c'est un délire dans la salle après qu'il a parlé. Donc, je pense que tout ce que tu disais là sur le ton, on reconstruit beaucoup en fonction de ce qu'on sait de la suite de l'histoire. En vrai, si le plan... Là, nouveau spoiler, enfin, il y a une sorte de petit plan bricolé pour que la nuit dérape, ce n'est pas totalement improvisé. Dans lequel le duc d'Aiguillon, qui était la deuxième fortune du royaume, jouait un rôle important. C'est lui qui, le premier, devait dire abandonnons les privilèges. Quand on lit, alors pas son discours, mais le compte-rendu de son discours dans les archives parlementaires, c'est quand même assez empoulé aussi, en fait. Et pas forcément très adapté à l'événement. Mais parce que c'est lui. Parce que c'est lui, ça frappe les esprits. Parce qu'il y a d'autres orateurs ensuite qui ont été prévus dans leur micro-plan. On oublie son côté empoulé. Et donc, seul reste le plan et plus le discours. Donc, voilà, je pense qu'il y a vraiment ces deux dimensions. C'est difficile de dire quelle est la part de l'écriture, de la réécriture par la personne qui a rédigé le compte rendu dans les archives parlementaires. C'était probablement plus oral tel que ça a été prononcé. Alors, j'ai lu beaucoup de gens de l'époque qui disent que beaucoup d'orateurs dans l'Assemblée nationale lisaient leurs papiers. Oui. C'est Madame de Staël qui se désespère qu'on autorise les gens à lire leurs notes. Parce qu'elle dit à Londres, ils n'ont pas le droit. Eh bien, on s'emmerde moins. Alors que là, et elle cite certains orateurs en particulier qui arrivent avec leurs papiers et qui, vraisemblablement, font des discours d'une heure et demie. Quand on voit la taille que ça prend dans l'archive parlementaire, quand vous avez quatre pages avec des énormes colonnes écrites tout petit. Notamment Malouet, par exemple, j'ai renoncé à en faire un personnage parce qu'il devait vraiment pomper l'air de tout le monde. Donc, je pense que ce qui est dans les archives n'est sans doute pas très éloigné de ce qui a été dit, mais je ne peux pas le savoir. Et comme il y avait plan, et forcément, leur discours, les deux premiers discours du 4 août, ceux qui lancent la nuit, ils ont été écrits. Parce qu'on sait que le duc d'Aiguillon a répété son discours la veille au soir auprès des petits conjurés, entre guillemets, qui avaient en tête de renverser ils avaient sans doute pas d'ailleurs en tête de renverser l'ancien régime, mais de enfin faire en sorte que les riches payent les impôts. C'était ça, au départ, c'était ça leur objectif. Vous avez bien une question sur la métaphore finale du jardin. Oui. Et puis j'ai envie d'en parler, peut-être de risquer un tout petit commentaire déjà. Oui, on passe du mur au jardin. Ça rappelle la fin de Germinal. En tout cas, c'est vrai, mais... je ne sais pas si c'est volontaire, c'est conscient ou pas, mais c'est pas volontaire, ouais. On finit, même si ce n'est pas utilisé de la même manière, mais on finit sur une image plutôt heureuse. Mm-hmm. Et végétale, de la croissance végétale qui permet de penser quelque chose après le mur, mais c'est utilisé de façon très différente que ce Campesola, puisque ça permet de dire que d'inviter à changer de regard sur le monde qui nous entoure. Donc c'est un programme politique dont vous avez déjà parlé un petit peu, regarder différemment le jardin. Mm-hmm. Et ça fait écho avec ce qui est une citation que j'ai relevée un tout petit peu avant. À l'époque de la Révolution, des écrivains ont dessiné, livre après livre, un autre monde qu'ils voyaient plus juste. Enfin, j'ai coupé un peu, des écrivains, des philosophes, des penseurs du dimanche ont dessiné, livre après livre, un autre monde qu'ils voyaient plus juste. Donc, on a l'idée que s'intéresser de cette manière-là au monde politique, y compris en regardant les petites choses qu'on ne voit plus trop et qui sont écrasées par les grandes, serait... une manière d'espérer une évolution favorable, un progrès, un changement, une sortie de cet ancien monde dans lequel on est enfermé. Ma question, c'est est-ce que ce programme politique, qui est si joliment dit à la fin du livre, c'est aussi un programme historiographique et littéraire? C'est-à-dire, est-ce que ne pas trop s'intéresser ou remettre à leur juste place les grands personnages et avoir tant d'intérêt pour découvrir ce qui, c'est dit au début, c'est redit à la fin, ce qu'on a oublié de regarder pour le moment, ça rentre dans le même programme. Ben, forcément un peu, si je n'ai pas forcément toute cette ambition, mais d'abord sur le passage du mur au jardin, vraiment l'image du mur, c'est celle que prennent les gens de l'époque, et puis pour moi, comme il y avait le mur de Berlin, c'était l'image la plus évidente. Sauf qu'un mur, il est cassé, enfin il est debout ou il est cassé, mais il n'y a que ça, c'est vraiment binaire. Et petit à petit, vraiment, c'est en écrivant que je me suis dit, en vrai, s'il y avait un parallèle à faire avec aujourd'hui, ce ne serait pas tellement sur le plan économique que ça se ferait, mais ce serait plutôt sur le plan écologique. C'est-à-dire que j'ai étudié dans la deuxième partie, j'ai regardé comment les privilèges avaient résisté. Et je me dis, c'est valable pour les privilèges économiques aujourd'hui, même si les inégalités ne sont pas les mêmes qu'en 1789. Mais surtout, je retrouve les mêmes mécanismes de déni chez les aristocrates de la fin du 18e. Aujourd'hui, chez les gens qui ne veulent pas que, enfin, changer quoi que ce soit pour tenir compte des rapports du GIEC, par exemple. En gros, il y a des, je ne sais pas combien de dizaines, de centaines de livres, de rapports qui nous montrent un lendemain, qui nous montrent que ce qu'on fait, ça ne va pas. Et ça fait des années que tous, on ne fait pas grand-chose pour que ça change. Et le parallèle, il est là, en fait. Donc forcément, quand je pensais climat-écologie, l'image du jardin s'est imposée plus spontanément. Et par ailleurs, elle me semble plus juste parce que c'est beaucoup plus complexe qu'un mur, quoi. Et qu'en fait, croire qu'en ayant dégommé un mur, on a résolu tous les problèmes, c'est pas très mature, c'est pas très mûr. Donc voilà, d'où cette image qui est venue aussi de moi, le fait que j'avais une vision de l'événement qui était beaucoup plus complexe qu'en y arrivant. Et puis vraiment ce parallèle avec aujourd'hui, vraiment des choses qui vont advenir, je ne sais pas encore quoi, mais les mécanismes du déni sont là. Et je les vois depuis que j'ai écrit ce livre. Je vois des échanges sur les réseaux sociaux où je vois des intervenants à la télévision et vraiment je les vois avec une perruque du 18e et je vois des vrais aristocrates en fait qui défendent sous couvert de parler de prospérité pour tous, de croissance, blablabla, sont en train de défendre leurs privilèges à eux. Et donc je fais des parallèles avec des personnages que j'ai croisés dans les archives des années 1780. Donc, on sait qu'un jour, ils vont être balayés, mais comment ? On ne sait pas. Ça m'intrigue beaucoup, mais je n'ai pas encore vu ce passage sur le jardin. Je vais essayer de m'abstenir parce que je pourrais le perdre sur le jardin. Mais en tout cas, est-ce que... À quoi est-ce que vous avez pensé lorsque vous avez utilisé cette image ou cette métaphore? Est-ce que déjà votre pensée était innocente, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'intertextualité là-dedans? C'était vraiment, en fait, quand on écrit un roman, presque tout ce qu'on écrit est assez innocent, en vrai. Moi, j'ai en tête les 4 ou 5 versions, ça, c'est une sorte d'épilogue. Pas l'Olivier. Moi, j'ai 4 ou 5 versions de ce texte-là. Au début, je repartais l'image du mur. D'accord. Et après, je me suis dit, non, elle ne fonctionne pas. Et ensuite, je ne sais plus ce qu'il y a, s'il y a à la fois la même image et le mur et le jardin. Et je me suis dit, bon, en fait, le vrai truc, c'est le jardin. Et l'image qui me paraissait la plus importante, et c'était vraiment pour le coup une image au sens visuel, c'est qu'aujourd'hui, on se concentre sur les plantes qui croissent le mieux dans le jardin. Et c'est ça, vraiment, c'est un peu tiré par les cheveux comme métaphore, mais pour moi, quand on parle les fleurons de notre industrie, etc., qu'on va subventionner, c'est parce qu'on subventionne ce qui fonctionne encore. Mais en fait, tout ce système-là, il assèche le sol autour. Donc, l'image qui me semble intéressante, c'est de regarder non pas les fleurs qui poussent encore, mais toutes celles qui ont fané, dont on ne parle plus, et les petits trucs qui poussent ici ou là, mais tant qu'on ne voit pas encore bien et on ne voit pas du tout à quoi va ressembler le jardin une fois que ça aura poussé. C'est vraiment un truc de... C'est de la sensibilité pure. Quoi. J'ai l'impression qu'on est un peu dans une période comme ça. Mais voilà, c'est plus une poétique que... même si je ne suis pas vraiment poète, mais... Des images comme ça, pas forcément ultra réfléchies. Je voudrais juste rappeler, parce que ça, en t'écoutant, ça m'y a fait penser, que cette métaphore végétale, elle sert depuis longtemps, bien sûr, dans le discours politique et historique, et on l'a dans l'esprit des lois de Montesquieu, dans un chapitre qui est sans doute le plus court, une phrase, ouais. Il y a 2 phrases, qui s'appelle « L'idée du despotisme ». Et Montesquieu écrit ça. Quand les sauvages de la Louisiane veulent avoir du fruit, ils coupent l'arbre au pied, ils cueillent le fruit. Voilà le gouvernement despotique. Et quand on lit ça, on pense aux phénomènes de déforestation massive, ouais, qui sont articulés eux-mêmes à des gouvernements particulièrement autoritaire, ouais. Et que ce n'est pas seulement une question économique, bien sûr, c'est aussi une manière de vivre nos écosystèmes et nos ressources, ouais. en refusant, tu as parlé de déni catégoriquement, ouais. De voir qu'on est en train de scier la ressource sur laquelle on est assis. Ouais. Or, ça, c'est vraiment ce que Dinecker, ce que disent les contemporains de 89 quand ils voient la situation financière, et vous êtes en train de couper l'arbre au pied et ouais. De manger les fruits. Et en fait, il s'avère que ça. Et ouais. Voilà, exactement, il n'y a plus de fruits. Donc, c'est cette métaphore du jardin, finalement, toi, dans ton livre, tu en refais quelque chose de positif, c'est-à-dire que dans le jardin, il y a ceux qui coupent mm-hmm. l'arbre à la racine, ouais. Mais il y a aussi les petites pousses avec les gens qui font des espaces végétalisés dans Paris au milieu du béton en s'épuisant à ça pour que ça puisse reprendre un jour. Ouais. Il y a donc là quelque chose comme une confiance organique dans la poussée organique, ouais, exact. Qui serait possible, qui nous renvoie aussi à Michel d'ailleurs. Ouais. Alors, ça m'inspire deux choses. Mais en tout cas, ouais. Qui nous dit, voilà, ces gens à perruque que tu vois aujourd'hui, c'est... qui les rapproche d'avant, c'est ça, c'est ce despotisme, non pas consumériste, mais vraiment de prédateur d'épuisement de la ressource. Oui. Alors, ça m'inspire deux choses. La première qui n'est pas directement liée, et c'est que, oh là là, c'est la fête. On ne vous en propose pas. Merci beaucoup. Que je retrouve mes esprits. Oui, non, sur le. Alors, je vais revenir à ce qui est directement lié, puis le deuxième, je l'aurais peut-être oublié, c'est pas grave. Mais je ne suis pas forcément d'accord avec Montesquieu. C'est très prétentieux là, mais. Pour moi, ce n'est pas le despotisme, ça. Parce qu'il y a des despotismes éclairés qui, au contraire, voient très loin. Et permettre de vraiment enfin, je pense à ce qui s'est passé à Singapour dans toute la deuxième partie du XXe siècle par exemple, où tout le développement de l'île a été pensé parce qu'il y avait un dirigeant certes autocratique mais qui pensait à long terme, enfin, qui voyait à long terme. Et nous, nos sociétés très démocratiques là, aujourd'hui on passe notre temps à couper les arbres à la racine. Donc sur la fin, sur l'image, je suis assez d'accord, mais pour moi c'est pas lié au despotisme. C'est plus lié à est-ce qu'on se laisse aveugler par nos intérêts à court terme ou est-ce qu'on s'autorise à regarder plus loin. Et c'est plus difficile de collectivement regarder plus loin parce qu'il y a toujours des gens qui ont, eux, des intérêts importants à court terme qui vont facilement nous faire croire que, mais si, regardez, coupons là et puis vous allez voir, il y aura des fruits pour tout le monde. Donc, et non, je crois que j'ai oublié la deuxième chose que je voulais dire, mais elle va me revenir dans 5 minutes. Non, mais ça, déjà, c'est... Merci, c'est... Ouais. Parce que... Non, si, pardon. L'autre leçon qui est importante... On est tous des privilégiés oui. Démocratiques. Et l'autre leçon importante, c'est que... comment dire, le 4 août n'aurait pas pu avoir lieu, enfin, l'abolition des privilèges n'aurait pas pu avoir lieu s'il n'y avait pas eu un début de révolution avant qui faisait que, globalement, le système monarchique tenait déjà plus vraiment. Donc, en fait, il y a un vide, et c'est une fois qu'il y a ce vide que tous les tenants du système ancien ne peuvent plus rien dire parce qu'ils sont déconsidérés. Donc, c'est à ce moment-là, quand il y a ce vide, que les gens qui pensaient, qui voyaient le monde autrement depuis 50 ans, qui s'échinaient, qui parlaient dans le désert, qu'on voyait comme des hurluberlus, etc., soudain, comme c'est les seuls à avoir pensé le monde d'après, ben c'est eux qu'on vient voir et à qui on demande de reconstruire la suite. Quoi. Et ça, je pense que ça arrive un peu tout le temps. Une autre image qui me vient, c'est ce qu'on appelle les pères de l'Europe, donc Jean Monnet, Schuman, etc. Depuis bien avant la Deuxième Guerre mondiale, ils prêchaient pour une Europe fédérale, etc. On ne les écoutait pas. Ils avaient fait des rapports. Et puis, c'est seulement quand arrive la Deuxième Guerre mondiale et que tout est cassé en Europe qu'on va s'intéresser à ces gens-là. Et pareil, quand j'entends aujourd'hui dire que sur le climat, on savait depuis les années 70, mais on savait, on peut dire ça de presque tout. Donc, je pense que c'est presque naturel. Il faut qu'il y ait des efforts de gens pendant 40, 50, 60 ans qui pensent le monde. Après, il y a une grande crise qui laisse un vide. Et là, on donne la place à ceux qui pensaient avant. Par exemple, les écoféministes. Par exemple, les écoféministes. Par exemple, Bertrand Millot. Un jour, ce livre sera un livre d'ancien régime. Il ne s'en plaindra pas. C'est la dernière phrase. Oui. Tu souhaiterais, par anticipation, faire partie des archives qui ont eu raison avant l'heure. Oui, mais je pense que pendant des années, on pourra lire en disant que le gars, il disait « je m'en plaindrai pas ». Il aimerait bien l'entendre. Parce qu'à mon avis, on va passer par pire avant. Mais le 4 août, ça ne va pas arriver s'il n'y avait pas eu tous les châteaux qui brûlaient partout en France. Oui, mais... Donc voilà, j'ai lu la fin, j'ai lu le dernier paragraphe bien avant le reste. Ah oui. Et ça m'a complètement plombé. Et ça a retardé la suite de ma lecture. Parce que justement, ça me confrontait à une réalité qui est très angoissante quand on la connaît. Et souvent, se réfugier 200 ans en arrière dans la Révolution peut être une façon de ne pas trop penser au présent. Et finalement, le dernier chapitre. Vraiment beaucoup plus maintenant quand je l'ai lu, parce que toute la métaphore du jardin qui vient avant et qui prépare et qui est reprise dans l'amorce du dernier paragraphe, elle permet de ne pas être étouffée, justement. Il y a des petites choses qui poussent déjà. Oui. Et de même que des petites choses poussées à côté des grandes dans tout ce qui s'est passé autour du 4 août 1789, on peut penser que des petites choses poussent aujourd'hui malgré tout. Oui, ce qui... C'est comment dire, ce qui disqualifie définitivement l'idée du mur, en fait. Oui. C'est le. Parce que, et puis, toute l'histoire, c'est beaucoup plus végétal que minéral, de toute façon. Donc, ça fait hyper pompeux comme phrase, sans dire que les non, c'est pompé chez Victor Hugo. Je me demandais si Marianne, vous souhaiteriez intervenir après tout ça? Puisque vous êtes la seule à être au loin. Je vais réfléchir à quelque chose à dire. Pour improviser comme au 4 août. Voilà. Moi, je voulais, oui. Juste une question, une curiosité sur votre démarche d'écriture. Vous avez dit au début que vous avez commencé à vous intéresser à cette histoire du 4 août autour de 2019, si je ne me trompe pas. Et vous avez donc commencé par cette plongée dans les archives, etc. Et donc, je me demande à quel moment vous vous êtes rendu compte que vous aviez lu et consulté assez de matériaux pour commencer à en faire quelque chose. Oui. Est-ce que c'était une démarche qui s'est, je veux dire, la démarche d'écriture qui s'est produite au fur et à mesure que vous lisiez toutes ces sources, ou vous avez avant épuisé un peu ces matériaux avant de commencer? Oui. Parce que je me demande si vous avez déjà un plan dans la tête quand vous avez commencé, ou... Alors, j'ai commencé d'abord sans savoir si... j'ai commencé des projets de livres qui n'ont jamais abouti. J'en ai plein. Et tous les écrivains en ont plein. Donc, j'ai commencé petit, en me disant d'abord, ça me passionne. Il y a peut-être un livre derrière, mais je ne sais pas. Et puis ensuite, j'ai vraiment senti qu'il y avait quelque chose. Mais je ne savais pas quoi. Donc, j'ai continué à lire. Après, j'ai fonctionné un peu par entonnoir. C'est que j'ai lu d'abord des... histoire générale pour comprendre un peu tous les, voilà, les mécanismes de la période. Et puis après, je suis allé vraiment chercher les sources de ce qui pourrait être mes personnages. J'ai fait un peu comme un casting, en fait. Je ne savais pas exactement quelle serait l'histoire, mais il fallait que je choisisse mes personnages. J'ai passé trois mois dans les archives, soit vraiment physiquement, essentiellement à la bibliothèque historique de la ville de Paris, ou alors chez moi avec Gallica et Google Books, qui est pas mal aussi. Ah ben, Gallica, c'était quand même 80% de mes sources. Donc, j'ai passé trois mois là-dedans, complètement. Et je prenais des notes, c'est-à-dire que je faisais des copier-coller, Et alors, si vous voulez vraiment avoir la mécanique, je copiais tout, je faisais des synthèses en noir sur les documents Word, et tout ce que ça m'inspirait, je le mettais dans une autre couleur. Donc c'était déjà des petits bouts de ce qui pourrait être des articulations de récit, ce qui pourrait être un bout de construction, mais bon, c'était des petites briques, on va dire, de récit, dont j'ai utilisé environ un vingtième. Après 3 mois, je me suis dit, bon, là, j'ai 1 500 000 signes sur mon document principal de notes. J'ai 5 autres documents. J'ai je ne sais pas combien de livres numérisés. De toute façon, c'est trop. Mais j'ai continué parce que vraiment, ça me passionnait. Donc, j'ai continué. Et il y a un moment, parce que vous me demandiez s'il y a un moment où j'ai su que... Ouais. En fait, il y a un moment dont je me souviens très bien. J'avais conscience que j'avais plus besoin d'aller chercher les archives, mais j'y allais quand même. C'était une façon de procrastiner activement. Et je lis les mémoires. Je lis d'abord Madame de Staël. Ça me passionne. Je me dis que je vais en faire un personnage. Et puis à un moment, elle parle. Je ne sais plus de quoi elle parle, mais c'est un rapport à son père, Necker. Et je me dis là, Germaine, t'exagères. Là, tu es en train de défendre ton père, mais à mon avis, ça ne s'est pas passé comme ça. Voilà, juste comme ça, je le note. Et une semaine après, je lis les mémoires du comte de Lameth, qui était un noble libéral qui avait un rôle important à l'époque, que j'ai coupé au montage. Et lui, il écrit ses mémoires un peu après tout le monde, vraiment dans les années 1820. Et il commence par, je crois, 70 pages, où il fait un compte-rendu de tout ce qui a été écrit par les autres avant lui sur la Révolution. Il commente, et il dit oui, machin, bon, il dit un peu n'importe quoi, machin, très, très bonne source, hein, vraiment, on sent le... Et puis quand il parle de Madame de Staël, et Madame de Staël, extraordinaire mémoire, sauf un passage, et là, c'est le passage que moi j'avais repéré. Il dit non, là, il défend son père, mais pour le reste, c'est bon. En fait, ce moment-là, je me suis dit, il est vraiment important parce que je me suis dit, je pense que, ok, si j'avais compris ça et que le comte de Lameth me le confirme, c'est que je dois quand même avoir un peu compris la période. Donc, je peux m'autoriser à écrire. Et là, j'ai arrêté d'aller dans les archives et j'ai pensé à construire. Et là, déjà, en fait, pendant, j'avais même pas vraiment... Jour après jour, ça s'était déjà construit un peu dans mon esprit. Et le jour où je suis allé au café et je me suis dit, bon, allez, qu'est-ce que ça pourrait être, qu'est-ce que je pourrais faire comme plan? Le plan final était déjà en germe, quoi. J'avais déjà dans ma tête. En tout cas, ça arrivait les 3 mois. Oui. Du studio. Oui, oui. Ouais, ouais. Mais disons que c'est arrivé pendant, mais je ne l'avais pas forcément formalisé. Mais c'est arrivé pendant. En fait, je ne pouvais pas. Tant que je n'avais pas la matière, tant que je n'avais pas les personnages, en fait, le plus important pour une histoire, c'est des personnages. Donc, tant que je ne les avais pas, je ne pouvais pas avoir de plan. C'est vraiment eux qui... c'est valable pour les romans de fiction, mais pour ça aussi, c'est vraiment les personnages qui dictent l'histoire, en fait. Donc, voilà. Et sur les paroles rapportées, parfois, c'est complètement réécrit et c'est mis en avant. À d'autres moments, c'est des citations identiques. Mmh. Est-ce qu'il y a un moyen pour le lecteur de faire la différence entre les deux ou est-ce que ce soit dans les passages de, entre guillemets, ou présentés comme des dialogues, ou dans les passages en italique? Mmh. Alors ça, c'est une question un système. Alors, excellente question. Il n'y en a rien. En fait, moi, quand j'accordais tellement d'importance à la vérité historique, je ne voulais pas m'autoriser à tricher sur quoi que ce soit, que quand j'ai écrit ma première version, tout ce qui était inventé par moi était en italique. Et mes éditrices m'ont dit « Arrête, ne fais pas ça. Quand tu réécris toi, je m'étais mis un petit système aussi, je me dis quand je réécris moi, je vais le faire vraiment… » en écrivant comme en 2020, donc en exagérant des effets de contraste, des effets d'anachronisme. Donc, les éditrices m'ont dit, tes anachronismes sont suffisamment clairs pour que des lecteurs éclairés comprennent bien que le chapelier n'a pas dit « dis donc les soutanes » quand il s'adresse au clergé, par exemple. Donc, elles m'ont dit, les lecteurs, nous emmerde pas avec des italiques, des guillemets, machin, mettons tout sur le même plan. Et c'est ce que les éditeurs disent très souvent, et ils ont raison, il faut faire confiance au lecteur. Voilà, le contrat passé avec le lecteur, c'est que il y a des anachronismes. Normalement, on devrait les repérer facilement. En plus, que vous vous mettez en scène, En plus, oui. La première personne est là en permanence de A à Z, c'est quand même la grande différence entre vous et Julia. Ouais. Oui. Et comment dire, il y a aussi une autre chose qui m'a décidé à. J'ai beaucoup résisté quand les éditrices m'ont dit non, arrête avec tes guillemets. J'ai pensé à la citation de Mirabeau. Oui. C'est le 23 juin, c'est une séance importante aussi, la séance royale. La séance où Mirabeau dit nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Ça, c'est la citation historique. Donc, j'aurais pu la mettre entre guillemets. La vérité, c'est qu'il n'a jamais dit ça. J'ai lu des récits d'autres témoins. En gros, ils étaient 15. Il n'y avait pas que lui, ils étaient 15. Et c'était lui la plus grande gueule, donc on n'entendait que lui, mais il a fait un discours un peu trop long. Et lui, il avait un journal, c'est le lendemain qu'il a réécrit, il a réécrit son discours dans son journal. Mais donc déjà, ça, c'est pas une vraie citation. Donc en fait, le statut de ce qui est historique et ce qui n'est pas, n'est pas si clair. Donc, en repensant à ça, je me suis dit, OK, allons-y, abondons dans les guillemets et faisons confiance au lecteur. Puisqu'on arrive vers la fin, orientons-nous vers la suite. Mm-hmm. Dans des choses qui ne sont pas entre guillemets, il y a une présence de l'actualité qui peut tromper personne dans ces anachronismes. Mmh. Aussi étrange que cela puisse paraître, je suis page 109, aussi étrange que cela puisse paraître, il arrive parfois aux Français de s'enticher d'un banquier, qui est une phrase du romancier, bien sûr. On en parlait tout à l'heure, puisqu'elle se retrouve presque à l'identique dans les films de Giannoli, Illusion perdue. Exactement. Donc, on est là dans un grand moment, qui est le moment du présent. Cette place du 4 août, quand même, dans l'environnement, dans les urgences du temps présent, même les urgences Iketnouk, là, dans moins de 2 semaines, est-ce que c'est quelque chose qui... Après coup, forcément, puisque ce n'était pas le cas en 2019, mais qui après coup expliquerait pour toi le succès quand même de ce livre, le fait qu'on en parle. Peut-être pas forcément les événements de valaisan politique très actuels. Oui, quand je dis actualité, il y a l'immédiat, mais en fait, il y a aussi un temps présent. En fait, je pense que la question des privilèges. La question des privilèges est revenue sur le devant de la scène depuis seulement 5-10 ans. Alors, beaucoup plus pour dans des milieux militants, j'imagine. Mais de manière manipulatrice, dans le discours de la droite, j'ai Copé et compagnie, qui arrive à subvertir. Enfin, se référer à la nuit du 4 août, des privilèges, pour lui faire dire n'importe quoi, d'autre chose, avec un grand sens de la cynique, de la manipulation. C'est vrai. Alors, pour l'anecdote, un des premiers articles qui sont parus sur le livre, c'était sur le site du Point. Et j'ai lu les commentaires des lecteurs du Point qui avaient lu l'article, mais pas le livre encore, et qui disaient « Oui, il a raison, il y en a marre des privilèges des cheminots et des éboueurs. » Bon, voilà, les bras m'ont tombé un peu. Mais non, je pense que... si on met à part le Point et cette mésinterprétation des privilèges, le mot est quand même dans l'air du temps, et plus forcément sur les questions économiques, mais aussi sur des questions, donc je parlais tout à l'heure, privilèges blancs, privilèges masculins, et Il y a un parallèle vraiment fort entre la façon dont on envisage les privilèges aujourd'hui et la façon dont on envisageait les privilèges en 1789, c'est que quelque part, il y a des choses qu'on a vécues, qu'on a subies pendant des décennies ou des siècles et qui paraissaient complètement normales et qui aujourd'hui semblent insupportables. Mais les faits eux-mêmes n'ont pas tellement changé. Je pense par exemple, notamment à MeToo, en fait, toutes ces histoires de domination, d'emprise, de sale type dans les entreprises. En fait, il y en avait sans doute plus il y a 10 ans qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ça paraît. Aujourd'hui, c'est insupportable. Et en fait, il s'est passé la même chose en 1789, c'est que les privilèges, en tout cas des nobles, ont résisté pendant des décennies, mais parce que personne ne voyait une autre possibilité. Donc, on les subissait. Et puis on vivait dedans, donc on ne les pensait même pas. Et puis soudain, c'est là qu'il y a les écrits des philosophes de Sieyès en 88 ont beaucoup joué. Soudain, on les voit autrement. Et on les pense comme insupportables. Et là, le peuple dit non et se révolte. Les nobles, eux, ne comprennent pas cette histoire, parce que pour eux, les privilèges, il n'y a pas plus de privilèges qu'avant. Il y a une distorsion assez forte des perceptions entre les dominants et les dominés. Et c'est cette perception-là qui fait tout basculer, pas les faits. Et surtout les parallèles avec aujourd'hui, c'est plutôt là-dessus que ça joue. C'est sur cette perception de choses qui n'ont pas évolué ou qui ont évolué en bien, mais ça ne change pas. C'est que puisque c'est devenu insupportable, on n'en veut plus du tout. On s'en fout qu'il y ait plus de 10%, qu'il y ait un petit peu plus de... que l'inégalité salariale entre les hommes et les femmes ait été résorbée de 0,9%. On s'en fout. On veut l'égalité. Enfin, je m'en parle d'un discours global. Hein, mais... Et vous comptez simplement le simple privilège scolaire, puisque... on sort de... Non, pas sorti, mais sorti d'un confinement pendant lequel les classes préparatoires ont été en cours et les étudiants des universités françaises ont été confinés massivement pendant presque un an. Donc, de moment en moment, finalement, se révèle cette reconstitution d'une forme de logique qu'on a tout de suite formulée en termes de privilèges. Bien sûr, la France est une terre de privilèges et pas seulement de traditions. Ça me fait penser à deux choses. La première, une en 89 et une maintenant. En 89, les Bretons sont en pointe dans la Révolution. Et notamment, il y a quelque chose qui se joue vraiment dans les années juste avant la Révolution, où ils se rendent compte qu'en fait, les enfants des paysans payent leurs impôts pour que les enfants de riches aillent à l'école alors que leurs propres enfants ne peuvent pas aller à l'école. Et là, ça fait partie des choses qui deviennent insupportables et qui font qu'ils viennent à Versailles pour tout renverser. Et l'autre chose, c'est qu'ils viennent à Versailles pour tout renverser, mais tout en gardant leur privilège breton. Et donc, si jamais il devait y avoir une résonance aujourd'hui, dans les faits, d'une nouvelle nuit du 4 août, elle ferait tomber certainement tout plein de privilèges des classes dominantes, mais elle ferait tomber aussi des privilèges syndicaux. Tout tomberait en même temps, et à partir de là, il faudrait reconstruire. Et c'est difficile quand on est dominant, on voit que les privilèges, on lit le point et on pense aux privilèges, des profs, évidemment, dont tout le monde sait qu'ils sont beaucoup trop payés pour ne pas bosser. C'est fou. Mais par ailleurs, quand on est prof, qu'on lit le point, on a envie de brûler le magazine. Mais il se trouve qu'il y a peut-être d'autres privilèges aussi dans le public. Il faut regarder vraiment les deux côtés. Merci, Bertrand. De rien, peut-être que Marianne Je me retourne vers la petite lucarne de Marianne pour savoir si elle veut poser une question, intervenir. Je n'ai pas de question. Après, c'est sûr que cette question des privilèges, c'est évidemment quelque chose qui résonne avec beaucoup de préoccupations qui sont les miennes et qui sont celles de tout un tas de gens aujourd'hui. Mais non, j'ai pas de questions parce qu'en fait, je découvre l'ouvrage aujourd'hui. Donc maintenant, je vais le lire. Voilà, ben on espère que ça aura donné envie de le lire à tous. Et je ne voudrais peut-être pas non plus, avec le dernier échange que nous avons eu, il ne faut pas confondre ce livre avec un livre de militantisme, ce qui n'est absolument pas. Hein, ce n'est pas parce qu'il y a une articulation, des résonances à faire jouer avec le présent que ces résonances constituent un discours dogmatique ou une application par la littérature d'idées. Idéologienne, ouais. Position personnelle, ce n'est pas le cas. C'est un ouvrage qui est très, qui affiche une préoccupation de transmission, une adresse sympathique, très fort, très marqué à cet humour que vous revendiquez que vous mobilisez régulièrement. À la fois pour justifier votre point de vue qui est là, qui est explicite et qui n'est jamais surplombant, vous n'êtes pas la leçon, vous n'êtes pas dans la position du magistrat, de celui qui est en train de faire une leçon d'histoire, vous partagez vos erreurs, vos errances, vous mettez en scène dans ce travail d'enquête et avec beaucoup de drôlerie et en invitant au fond vos lecteurs à le faire et à vous suivre, au fond, éventuellement, à aller plus loin. Moi, j'aime beaucoup juste ce tout petit paragraphe du début du texte. J'ai vu Louis XVI à travers les yeux de ceux qui venaient de quitter son cabinet. J'ai rencontré des personnages dont je n'avais lu le nom dans aucun livre. Peu à peu, je me suis familiarisée avec ce français de la fin du XVIIIe siècle, qui est presque le nôtre, mais où les S s'écrivent encore comme de grands F, en donnant la curieuse impression qu'à Versailles, tout le monde parlait comme Fa. C'est vrai, c'est là, merci beaucoup. Que c'est venu, ça a été d'une traite. Ah, c'est une de mes phrases préférées dans le livre. Il y a des phrases comme ça, un peu marqueurs. Moi-même, quand j'ai écrit cette phrase-là, je n'ai pas écrit le prologue tout de suite. Je l'ai écrit après, il y avait déjà 6 ou 7 chapitres. Et quand j'ai écrit le prologue et que cette phrase-là m'est venue, j'ai su que je tenais le ton, pour l'ensemble du livre. Donc vraiment, celle-là, ce moment-là, il est extrêmement important. Donc je sais très bien où j'étais, à quelle heure, dans quelles circonstances j'ai écrit ce paragraphe-là. Ouais, donc vous proposez une revisitation au présent qui est absolument accessible, ouais. En même temps qu'extrêmement exigeante. Et c'est ce qui fait la qualité de ce livre qui est savant, très savant, plus savant probablement qu'il ne s'affiche. Voilà. Ben, merci beaucoup. Alors, la dernière chose que je peux ajouter, c'est que il y a plein de parallèles avec aujourd'hui que je n'ai surtout pas voulu les souligner dans le texte. Parce qu'il y a des parallèles qui fonctionnent et puis d'autres qui ne fonctionnent pas. Quoi. Je parlais des profs, là, c'était une ironie un peu maladroite, mais elle souligne, je trouve que le parallèle ne fonctionne pas, en fait, je me suis rendu compte en le disant, parce qu'on se rend compte qu'entre 1789 et aujourd'hui, les gens vont à l'école et ils ont des enseignants. Et en fait, c'est une énorme différence par rapport à 1789 qui change à peu près tout. Donc, on ne peut rien plaquer. Y a des mécanismes qu'on retrouve et qui sont hyper intéressants à étudier pour ce qu'ils étaient à l'époque, et pour les résonances qu'ils peuvent avoir, mais les sociétés, elles, n'ont rien à voir. Alors, si vous voulez, le mot de la fin, il est dans le texte, hein, mais il est déjà tard. Je vous laisse avec eux, et eux, ce sont les héros, ouais. Les députés de cette fameuse nuit du 4 août. Ça, c'est la fin du prologue. C'est la fin du prologue. Il va être à peu près 1h du matin. Ça joue aussi. Mais ce n'est pas une facilité, probablement pas, une manière de faire entrer dans les personnes.